السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابن كثير صوت. ابن كثير في صوت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous sommes inshallah ta'ala lundi le 26 d'août. Il va être avec moi. Disait comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas de son? Ça s'est coupé le son? Non, est-ce que ça s'est coupé le son? شوف سنيا باتسون نعم هاد لي كوبور جو لو كومبران با بوكوا سا سكوب اي سا روفيان لي جو نسي با لا حول ولا قوة الا بالله. طيب مانتونون سي بون مي سي سا فا روفير جو سوي اوبليجي دو سورتير. انسويت كو جبريل عليه السلام ام الوغ إل امرا سيت بيرسون اي إل دوموندورا aux autres anges d'aimer cette personne. Et on avait dit que le contraire était aussi vrai, d'après ce même hadith, que quand Allah subhanahu wa ta'ala détestait quelqu'un, il appelait Jibril et lui disait « Je déteste telle personne. » Et il lui demandait de la détester aussi. Ensuite, Jibril alayhi salam détestait cette personne, et ensuite, il demandait aux autres anges aussi de la détester. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, si c'est une personne qu'il aime, il fait descendre son amour, son 13. Il arrive à voir s'il y a son ou s'il n'y a pas. Ah. Ça se coupe. Alors, ça va et ça vient et ça se coupe. Je dois ressortir une autre fois. Et je vais lancer un problème que j'ai, un programme que j'ai, et je reviens, inshallah ta'ala. Ibn Kathir, si tu as du Coran, mets le Coran. Ibn Kathir, si tu as le Coran, mets le Coran, bi'idhnillah. Je vais sortir et revenir. Salam alaikum wa rahmatullah. Halfi saut. Halfi saut. Naam. Idan, wa'id marra okhra. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Quand il n'y a pas Inch'Allah saute, vous m'écrivez 2. Si ça se coupe, 0 Inch'Allah s'il n'y a rien. De toute façon, je viens de changer le laptop. Hein. C'est un ami qui m'a donné le deuxième. Bon, on va commencer Inch'Allah avec celui-là, on va voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, dans le Sahih al-Jami'a 1713, il dit « Inna Allah ta'ala idha kana yawm al-qiyamah, inna ta'ala » إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم ça veut dire quand il sera le jour voit pas zéro. Donc, non, ça se coupe. Parce que je vois pas comment il y a deux laptops. Tous les deux sont nouveaux et ça marche pas. Donc peut-être le problème dans la ligne téléphonique. Ah, problème comme dans la ligne. La ligne téléphonique. De toute façon, si on peut pas, on laisse le dars, inshallah ta'ala, la prochaine fois. Il n'a pas à la prochaine fois. Est-ce que ça se coupe toujours? طيب الله سبحانه وتعالى descendra le jour du jugement dernier pour juger les gens. وكل أمة جاثية. Et toute communauté sera figée sur les genoux. Vous savez que le jour du jugement dernier, toutes les communautés seront à genoux, assis à genoux. فأول من يدعو به رجل جمع القرآن. La première personne, Allah subhanahu wa ta'ala, يعني fera venir pour l'entendre, c'est quelqu'un qui a appris le Coran. Un homme qui a appris le Coran. Ensuite, la deuxième personne, وَرَجُلٌ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. La deuxième personne, un homme qui a été tué dans la guerre sainte. Ou bien dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième personne, وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ. Et quelqu'un de, qui était très riche. Ce sont donc les trois personnes que Allah subhanahu wa ta'ala entendra en premier lieu. En premier lieu. Je répète, quelqu'un qui a appris le Coran, quelqu'un qui est mort, fi sabilillah, et quelqu'un de très riche. فَيَقُولُ اللَّهُ لِلْقَارِي. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dira à celui qui a appris le Coran, أَلَمْ أُعَلِّمْكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي. Ne t'ai-je pas appris ce que j'ai fait descendre sur mon messager, c'est-à-dire le Coran. Ne t'ai-je pas appris ce que j'ai fait descendre sur mon messager. قَالَ بَلَا يَا رَبْ. Il a dit si, mon Dieu, si. نعم. قَالَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ. Alors dira, فَمَدَ عَمِلْتَ فِي مَا عَلِمْتَ. Alors, qu'est-ce que tu as fait avec ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as fait avec ce Coran que tu as appris? C'est-à-dire, pourquoi tu l'as appris? Yani, quelle était ton intention? Qala, kuntu aqumu bihi ana al-layli wa ana al-nahar. Il répondra, je faisais la prière avec le Coran, la prière de la nuit, et même la prière du jour, et même les prières des journées, ou du jour. فيقول الله له. Allah عز وجل lui dira, كذبت. Allah عز وجل lui dira, tu as menti, ou bien tu mens. وتقول له الملائكة كذبت. Et les anges lui diront, tu as menti, كذبت. ويقول الله تعالى, et Allah سبحانه وتعالى lui dira, بل أردت أن يقال فلان قاري. Mais tu as voulu, en lisant le Coran, en l'apprenant, en le récitant, tu as voulu qu'on dise, un tel est un récitateur. Masha'Allah, un tel récite bien le Coran. Et on l'a dit. Faqad qila. Et on a dit ça de toi. Ensuite, yu'ta bi sahibi al-mal. Ensuite, le hadith a dit, viendra le tour du riche. Viendra le tour du riche. Fayaqulu Allahu lahu, alam uwassi 'alayka hatta lam ad'aka tahtaju ila ahad. Allah Azza wa Jalla lui dira, n'étais-je pas généreux avec toi au point où tu n'avais besoin de personne? Il répondra, Bala ya Rab, si mon Dieu, si ya Allah, yani, tu m'as donné, masha'Allah, au point où yani, je n'avais besoin de personne. Allah Azza wa Jalla dira, فَمَذَا عَمِلْتَ فِيمَا أَتَيْتُكَ. فَمَذَا عَمِلْتَ فِيمَا أَتَيْتُكَ. Alors, qu'est-ce que tu as fait avec l'argent que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait? Il dira, Kuntu asilur rahim. Kuntu asilur rahim. Naam. Kuntu asilur rahim. C'est-à-dire qu'il dira à peu près en ce sens que yani, j'avais les liens avec la famille. Ou bien il dira, je visitais mes proches. Kuntu asilur rahim. Wa atasaddaq. Avec cet argent, je visitais mes proches et je faisais l'aumône. Fayaqulu Allahu lahu kadhabt. Allah lui dira, tu as menti. وتقول الملائكة كذبت. Et les anges diront كذبت, tu as menti. ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك. Mais tu as voulu yani, que les gens disent de toi que yani, tu étais yani, tu donnais de l'argent et tu étais mashallah yani, tu étais généreux. Tu as donné de l'argent pour que les gens disent de toi, voilà, celui-là c'est quelqu'un de généreux, et on l'a dit. Ensuite, il a dit, ثم ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله. Ensuite, Allah Azza wa Jalla fait venir celui qui est mort dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, est-ce qu'il y a le sang pour que je sois sûr? Est-ce qu'il y a le sang, vous m'entendez, pour que je sois sûr? Naam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ensuite, Allah Azza wa Jalla fera venir la troisième personne. La troisième personne, c'est-à-dire celui qui est mort dans le sentier d'Allah. Il lui dira Fabimada Koutilt. Pourquoi on t'a tué? Fayakul Umirtu bil jihad fi sabilik faqatiltu hatta koutilt. Il répondra: on m'a ordonné, ou la ya Allah, tu m'as ordonné de combattre pour toi, alors j'ai combattu jusqu'à ma mort. Fayakulullahu lahu kadabt. L'Azul lui dira: tu as menti. وتقول الملائكة كذبت. Tu as menti. Les anges lui diront aussi. ويقول الله الله سبحانه وتعالى lui dira: بل أردت أن يقال فلان جاري. Mais tu as voulu qu'on dise de toi, et tu es parti à la guerre etc. pour qu'on dise de toi, tu es, mashallah, tu es courageux. نعم. فقد قيل. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Huraira, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit: ya Abu Huraira, ulaika thalathatu awwalu khalqillahi tus'aru bihim an-naru yawm al-qiyamah. Naam, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Huraira: ô Abu Huraira, ces trois personnes dont je viens de citer seront les premières des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui seront le combustible de l'enfer le jour du jugement dernier. Naam, ces trois personnes seront les premières à être quoi? À être les combustibles de l'enfer le jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya. Pourquoi? C'est, vous avez remarqué que les trois personnes ont un point commun. C'est quoi le point commun? Les trois n'étaient pas sincères. Naam, le premier a appris le Coran pour qu'on dise de lui X qu'on est le Coran par cœur, comme on dit maintenant certains gens. On dit X qu'on est le Coran, yani de l'Baqara jusqu'à de l'Fatiha jusqu'à Qul a'udhu bi rabbin nas, et sens inverse. Non, mais sens inverse. Et le deuxième était riche, mais il n'était pas sincère. Yani, il donnait de l'argent aux gens pour que les gens disent de lui: celui-là, il est mashallah, il donne de l'argent. Non, il donne de l'argent. Comme maintenant, des fois on entend dans certaines mosquées, certains gens donnent de l'argent et exigent de l'imam qu'il les cite le vendredi avec le nom. Naam, X a donné 1000 euros. X avec le nom. X a fait ramener un camion de ciment. X a fait cela. Naam, ils donnent de l'argent pour que, subhanallah al-adhim, pour qu'il soit yani, nommé devant les gens. Naam, demande au shir désactiver son antivirus. Demande au shir. Naam, barakallahu fik. Maintenant, jazakallahu khair. Après, je vais désactiver Adam. Maintenant, je suis pas sur mon ordinateur. Je suis sur un autre. Inch'Allah, quand je rentrerai dans le mien, je vais débloquer Bin Azzawajal. Si celui-là, il fait la même chose, je le débloquerai, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fik. Naam. Et la troisième personne, c'était quoi aussi son problème? C'était que qu'est-ce qu'il faisait? Il est parti à la guerre fi sabilillah, mais avec quoi? Avec l'intention que les gens disent de lui il est courageux. Il n'y a pas quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala déteste, après bien sûr le shirk et les grands péchés, comme la riya, ce qu'on appelle ici riya. En français, c'est un peu difficile peut-être à dire, mais quand on fait des choses d'adoration, on ne les fait pas pour Allah, on les fait pour d'autres gens, pour que les gens nous flattent, pour que les gens nous fassent des éloges. Ça s'appelle riya, c'est le shirk, c'est le petit shirk. Comme a dit le prophète, il a dit riya, c'est le petit shirk. Yani, ne pas donner à quelqu'un de l'argent, c'est mieux que de lui donner pour que les gens parlent de moi. Nam, ostentation. Nam, ceux qui font des choses par ostentation. Nam, si je donne pas de l'argent, c'est mieux que je donne et les gens parlent de moi. Bien sûr, il y a des choses qu'on doit faire même devant les gens. Il y a des choses, même si tu sens l'ostentation, tu les fais. Par exemple, on ne dit pas je vais pas aller à la mosquée faire la prière parce que les gens vont me voir, j'ai peur de l'ostentation. Là, la chose, aller à la mosquée pour un homme, c'est quelque chose d'obligatoire si la mosquée est près de lui. Donc il part, même si les gens parlent de lui, il doit y aller. Mais s'il sent l'ostentation dans la prière surérogatoire, il ne la fait pas. Là, il ne la commence pas, il va à la maison, il la fait, c'est mieux. C'est la même chose pour la zakat. Il ne dit pas, je ne vais pas donner la zakat parce que les gens vont dire, celui-là, il donne de l'argent à un pauvre. Là, les choses obligatoires, on doit les faire, c'est obligé. Non, faut pas que le shaitan vienne de cette porte et comme ça, les gens ne vont pas faire yani, les choses obligatoires. Ensuite, il y a un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah adhina li, Inna Allah azza wa jal adhina li, an uhaditha an dikin qad mariqat rijlahu al-ard. Hadith 1714, hadith sahih, authentique. Il a dit, le prophète alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis, adhina li, an uhaditha an dik, que je parle d'un coq, d'un coq. Où est ce coq? Non, il a dit d'un coq. Il y a un coq dont les deux pieds, si on appelle ça des pieds, yani, tellement il est grand, ce coq, tellement il est grand et haut, masha'Allah, les deux pieds ne sont pas seulement sur la terre, mais ils ont trouvé la terre au point où ils sont sortis de l'autre côté de la terre. Imaginez, nous sommes debout, je vais creuser, commencer à creuser devant mes pieds, je vais faire un trou. Et je vais descendre, 1 km, 2 km, des milliers de kilomètres, je ne sais pas combien la Terre a de diamètre, jusqu'à ce que je sorte, mes pieds sortent de l'autre côté. Naam, ce coq, il a dit, il a deux pieds qui ont trouvé la Terre de façon, les pattes. Naam, il a deux pattes de façon à ce que les deux pattes soient sorties de l'autre côté, subhanallah al-azim, et runuquhu, alors que son cou est plié sous le trône. Subhanallah al-Azim, tellement il est grand, tellement il est haut, tellement il est gros, grand, tellement il est haut que, yani, il a la tête du côté haut. La tête, elle est sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala et penchée. Am. Il ne peut pas la mettre droite comme ça debout parce qu'il n'y a pas où la mettre. Il ne peut pas trouer. Il ne peut pas trouver l'arche. L'arche, à point. Il ne peut pas trouver le trône. Mais il peut trouver la terre du côté bas. Du côté bas, il a trouvé la terre. Ça y est. Il n'y a pas de place. Il ne peut pas rester plié, il a trouvé la terre et ses pieds, ses pattes, pardon, sont sortis de l'autre côté de la terre. Mais du côté haut, il ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il a plié sa tête au-dessus du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Yani, regardez un coq seulement, comment, yani un coq que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, regardez la taille qu'il a. Et ce coq, qu'est-ce qu'il dit? Il est dans cette position en train de dire, Subhanaka ma a'zamak. Subhanak ma a'zamak. Subhanallah al-Azim. Oh, yani, si on disait gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu es grand. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu es grand. Ensuite, tayuraddu alayh. Ensuite, on lui répond. Peut-être Allah subhanahu wa ta'ala lui répond. Peut-être c'est un ange. Non, c'est pas dit ici. On lui répond. La ya'lamu dhalika. من حلف بالله كذبا لا يعلم ذلك من حلف بالله كذبا. Qu'est-ce qu'on lui répond quand il dit gloire à Allah le grand? On lui répond, ne connais pas cela, ou bien ignore ceci, ignore yani, ce que tu viens de dire que Allah subhanahu wa ta'ala est grand, ignore ceci qui, il a dit, celui qui jure en mon nom tout en étant menteur. Naam, que veut dire ici cette phrase? Que veut dire cette phrase? Ça veut dire que quiconque peut jurer en Allah tout en étant menteur. Quiconque. On lui dit par exemple, tu as 10 euros dans ta poche, il dit Wallah al-Azim, j'en ai pas, alors qu'il en a. On lui dit par exemple, tu es marié, il dit Wallah al-Azim, je suis pas marié, alors qu'il est marié. On lui dit, cette voiture, tu veux la vendre, yani, elle n'a aucun problème ou là. Elle dit, Wallah al-Azim, elle n'a aucun problème. Alors que, yani, la voiture est, a beaucoup de problèmes même. A beaucoup de problèmes. Le carburateur, le radiateur, tout ça, ça c'est troué. Il dit, Wallah al-Azim, elle n'a aucun défaut. Une femme veut se marier, si on lui demande, yani, il y a des choses à signaler, Wallah al-Azim, je n'ai rien. Alors que, mais peut-être que même elle est malade d'une maladie grave. Et elle la cache. Ou elle a de grandes choses yani, qu'il faudrait dire, elle ne les dit pas. Et elle jure. Ces gens-là jurent par Allah. Wallah al-Ali al-Azim. Alors, le prophète Ali a dit dans ce hadith, c'est-à-dire, celui qui a répondu au coq a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui peut jurer comme ça en Allah, tout en sachant, il sait qu'il est menteur, qu'il ment, celui-là, n'a pas reconnu la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Parce que le coq, quand il a dit Ya Allah, gloire à toi, quand tu es grand, Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu, mais celui qui jure en moi, tout en sachant qu'il est menteur, ne sait pas cela, ne me reconnaît pas cela. Naam. Car quiconque reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala, avamatahu, sa grandeur, comment qu'il est sublime et majestueux, il a peur de jurer en Allah alors qu'il sait qu'il est menteur. C'est pour ça que cette façon de jurer en Allah tout en sachant qu'on ment, ça s'appelle l'yamin al-ghamous. Ça s'appelle l'yamin al-ghamous. Ça s'appelle le jurement ou la, comment qu'on dit, al-ghamous. Ça s'appelle ghamous. Pourquoi on l'appelait ghamous? Car yani termes, elle doit tromper, cette façon de jurer trompera, avec T-R-E-M, le verbe tromper, trompera la personne qui a juré à Jahannam. Naam, ça s'appelle le ramous. Termes, termes bi sahibia fi Jahannam. C'est très grave, quelqu'un qui jure par Allah alors qu'il sait qu'il ment. C'est très grave. Naam, s'il ne fait pas le repentir, yani nasuh, le vrai repentir, il doit rentrer Jahannam, ensuite ressortir. Naam. Sauf s'il fait, comme je viens de dire, le grand repentir, Billah Azza wa Jal. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith 1718, qui est un hadith sahih. Naam, il a dit, Inna Allah ta'ala stafa min al-kalam arba'an. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, yani, des paroles, il a choisi quatre. Naam. Premièrement, Subhanallah, il a choisi Subhanallah, ou Alhamdulillah, il a choisi Alhamdulillah, il a choisi La ilaha illallah, il a choisi Allahu Akbar. Ce sont les quatre meilleures paroles chez Allah subhanahu wa ta'ala, que quelqu'un dise Subhanallah, Alhamdulillah, ou La ilaha illallah, ou Allahu Akbar. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, فَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ كُتِبَتْ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنًا. Quiconque dit Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala lui écrira 20 récompenses. 20 hasana pour avoir dit subhanallah. Wa khuttat anhu 20 siya. Et en même temps, Allah azza wa jalla lui annule 20 péchés. Naam, quand tu dis faqat, tu dis seulement subhanallah, tu marques 20 récompenses, tu annules 20 péchés, masha'Allah. Wa man qala Allahu akbar. Et quiconque dit Allahu akbar, mitlu dhalik. C'est la même chose. Allah azza wa jalla lui marque 20 récompenses et lui enlève 20 péchés. وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مِثْلُ ذَلِكَ. Et quiconque dit لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, il marque 20 récompenses, on lui enlève 20 péchés. وَمَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Et quiconque dira الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, comme ça avec رَبِّ الْعَالَمِينَ, avec cet ajout, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, min qibali nafsih, yani sincèrement, du cœur, sincèrement, kutibat lahu 30 hasana wa hutta anhu 30 khati'a. Allah azza wa jalla lui écrit 30 au lieu de 20, 30 récompenses et lui annule 30 péchés. Inch'Allah, regardez quelqu'un qui dit beaucoup subhanallah alhamdulillah la ilaha Allahu akbar, qui dit beaucoup ces choses, combien qu'il aura de ajr يوم القيامة. نعم. Quelqu'un qui dit ces choses, combien, c'est très facile de le dire, mais le shaitan ne nous laisse pas dire ces choses. Le shaitan, il est là collé à nous, en train d'essayer de nous éloigner, de nous dévier, de nous égarer, pour que demain, quand on te donne le livre, ton livre, et chacun aura son livre, il ne trouvera que peu de hasanat. Alors que c'était très très facile d'en avoir, subhanallah al-adhim. Il suffisait juste de dire subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, et il aurait eu beaucoup de hasanat, masha'Allah. Regardez, yani, comment on laisse passer le temps comme ça, et on ne sait pas, yani, on ne sait pas qu'on pourrait remplir notre livre, masha'Allah, de hasanat, et annuler les péchés, yani, masha'Allah, très facilement, en parlant seulement, na'am. Mais, yani, cette chose et ces choses-là, bien sûr, c'est pas n'importe qui va les faire. C'est quelqu'un qui a son cœur, yani, qui ne vit que pour l'au-delà. Celui qui a son cœur, qui ne vit que pour l'au-delà, et son cœur qui ne bat que pour arrêter de dire ses phrases et de réciter le Coran et de faire des invocations. Et celui qui vit pour le bas monde, il vit pour l'argent et l'euro et les jouissances de ce bas monde, celui-là, c'est très difficile de lui pour lire le Coran ou l'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très difficile pour lui, il n'a pas le temps, non. Même s'il essaye d'invoquer, il ne peut pas, son cœur est très loin. Il ne peut pas, quand il n'y a pas concordance entre le cœur et la langue, c'est très difficile. Allah Azza wa Jal voudrait qu'il y ait concordance entre le cœur et la langue. Allah Azza wa Jal ne veut pas qu'on soit des perroquets, qu'on dise des choses sans qu'on sache ce qu'on est en train de dire, ou là, sans y méditer. Yani, on dit comme ça des phrases, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, on ne sait pas ce qu'on dit. Là, il faut que ton cœur soit avec toi, ton cœur soit présent, n'am, ton cœur concorde avec ta langue. C'est là qu'on a, bien sûr, les grands ajr. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith, le hadith 1724. Wa huwa hadithun sahih, 1724. Il a dit, Inna allaha amara Yahya ibn Zakariya bi khamsi kalimat an ya'mala bihinna. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Yahya, le fils de Zakariya, Yahya, 5 mots. Ou la disons, saint ordre. Ici, il a dit le mot kalimat. Kalima en arabe, ça veut dire mot. Il lui a dit 5 mots. Et bien sûr, les mots sont ici des ordres. Que voilà 5 choses que tu dois faire. Je t'ordonne de faire ces 5 choses. Wa an ya'mura bani Israël an ya'malu bihinna. Et en même temps, il lui a dit, je t'ordonne à ce que tu ordonnes à bani Israël, tu ordonnes aux juifs qui étaient à l'époque de son époque, de se soumettre à ces 5 choses. Donc, il a ordonné à Yahya alayhi salam qu'il applique ces 5 choses et en même temps de les propager aux juifs pour que eux aussi les pratiquent. Il a dit, le prophète alayhi salam a dit, فَكَأَنَّهُ أَبْطَى بِهِنَّا. Alors, Yahya alayhi salam, c'est comme si il a un peu retardé pour aller dire aux juifs, voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَى. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à Isa. Isa alayhi salam. Vous savez que Isa et Yahya, ce sont des fils de la tante, Ibn Khala. Ça veut dire, Isa et Yahya ont 2 mères-sœurs. La mère de Isa et la mère de Yahya sont 2 sœurs. Donc il l'appelle Ibn Khalti et l'autre il l'appelle Ibn Khalti. C'est pour ça que dans le hadith sahih que vous connaissez, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait l'ascension, qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé des 7 cieux quand il est monté et qu'il a trouvé. Il a dit, dans le premier ciel, j'ai trouvé Adam. Dans le deuxième, il a dit, j'ai trouvé Yahya et Isa. Il a dit, ce sont des fils d'oncle. Et dans le troisième, il a dit, j'ai trouvé Idris. Dans le quatrième, attends, je vais voir, qu'est-ce qu'il y a ici? Ce sont des cousins, Naam. Dans le troisième, il a trouvé Idris. Dans le quatrième, il a trouvé Yusuf alayhi salam. Dans le cinquième, il a trouvé Haroun. Dans le sixième, il a trouvé Moussa, alayhi salam. Et dans le septième, il a trouvé Ibrahim, alayhi salam. Naam. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Zakaria de travailler avec ces 5 choses, de les appliquer et de les propager aux juifs, il a un peu retardé. Allah subhanahu wa ta'ala alors a révélé à Isa, alayhi salam. Il lui a dit, « Imma an yubadlirahuna ou tubadlirahuna. » Il a dit à Isa, ou bien Yahya, yani, va dire les choses que je lui ai dites, ou bien c'est toi qui va lui dire à sa place. Fa ata Isa fa qala lahu. Alors Isa alayhi salam, quand Allah lui a dit ces choses-là, il est allé vers qui? Il est allé vers Yahya pour lui dire. Il lui a dit innaka umirta bi khamsi kalimat an ta'mala bihinna. Il a dit, tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé d'appliquer cinq choses. Wa ta'mur bani Israël an ya'malu bihinna. Et t'as demandé que tu divulgues les cinq choses à bani Israël. Fa imman tubalighahunna wa imman ubalighahunna. Donc choisis, ou bien tu dis ces choses à bani Israël, ou bien c'est moi qui leur dis. Alors qu'a dit Yahya alayhi salam, il a dit ya ruh Allah, ô âme d'Allah. Yahya, quand on dit ruh Allah ici, c'est Allah subhanahu wa ta'ala nafakha fi min ruhi. Quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala lui a insufflé de son âme, c'est-à-dire à sa mère, c'est pas l'âme comme comprennent les gens ou croient que c'est l'âme d'Allah. Comme je dis moi, mes cheveux, mon oreille, mon âme qui est en mon intérieur. C'est pas comme ça. Mais c'est comme lorsque je dis mon cartable, mon stylo, mon soleil. Comme je dis comme ça, la zéodjel, bon, mon soleil, moi je n'ai pas de soleil. Mon cartable, mon stylo, mes cheveux, mes mains. Allah subhanahu wa ta'ala maintenant, il a créé, il lui a donné de l'âme, ça veut dire de l'âme qu'il a, de l'âme qu'il a créée. C'est pas de son âme, l'âme à lui. Il n'y a pas un hadith là qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala a une âme. Il y a le Coran qui dit nafs. Ta'lamu ma fi nafsi, wa la a'lamu ma fi nafsik. C'est pour ça que les gens croient que Allah subhanahu wa ta'ala a mis, par exemple, à l'intérieur de Adam, de son âme à lui. Ah, ils disent Adam a une partie de l'âme d'Allah. Ça c'est faux. Car ce qui est enjoint à Allah, c'est deux sortes. Ou bien a'yan, ou bien sifat. Naam. Ou bien a'yan, ou bien sifat. Ici, c'est sifat. C'est tashrif. Comme on dit, baytullah. Baytullah, la maison d'Allah. Comme on dit, abdullah. Naam, le serviteur d'Allah. Comme on dit, naqatullah, le chameau d'Allah. Naam. C'est pas comme on dit quelque chose qui appartient à Allah. Non, c'est quelque chose qui a créé. Mouhim, il lui a dit, ya ruh Allah, inni akhsha in sabiqtani u'adhaba ou yukhsafa bi. Il lui a dit, j'ai peur, ya Isa, j'ai peur, si maintenant c'est toi qui va divulguer ça à ma place, j'ai peur que Allah subhanahu wa ta'ala me châtie, ou bien, yani, il va ouvrir la terre et je vais rentrer. Ça s'appelle le khasf. C'est pas un tremblement de terre, mais c'est quand la terre s'ouvre et yani, les gens tombent à l'intérieur et les immeubles, etc. Il y a une différence entre un tremblement de terre et quand la terre s'ouvre. Ça s'appelle khasf. Lahda. Naam. Il a dit, j'ai peur, exactement. Il a dit, fa jama'a Yahya bani Israïla fil bayt al maqdis. Hatta mtala'a al masjid. Naam. Une seconde. Okay. Naam. Là, le bab mftouh, Ma fille mouchki, le bab mftouh. Naam. Je disais que, il lui a dit, moi j'ai vraiment peur. Si c'est pas moi qui divulgue, allez, tu vas divulguer à ma place. J'ai peur que Allah subhanahu wa ta'ala me châtie, ou bien il ouvre la terre, et yani, je vais rentrer à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Fait jama'a Yahya ben Israël fi bayt al-Maqdis. Alors Yahya alayhi salam a joint les juifs fi bayt al-Maqdis. Yani, vous connaissez le Quds. Fi al-Quds, il a joint, yani, les juifs dans la mosquée qui se trouve à Palestine. Hatam tala al-Masjid. Jusqu'à ce que la mosquée, yani, ait été bondée de gens. Classe. Il y avait plus de place. Faqa'ada al-Shurufat, il est monté dans un endroit assez élevé. Fahamid Allah wa athna alayhi. Ensuite, il a dit Alhamdulillah. Ensuite, il a fait des éloges à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit Inna Allah amarani bi khamsi kalimat. An a'mala bihinna wa amurakum an ta'malu bihinna. Il leur a dit Allah subhanahu wa ta'ala m'a ordonné d'appliquer cinq mots ou les cinq choses et en même temps de vous divulguer ces cinq choses. Aulahuna, la première de ces choses. An ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an. La première des choses que Allah Azza wa Jalla vous demande d'appliquer, et il me demande aussi d'appliquer, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et sans lui faire de l'association. l'adorer sans lui faire de l'association. Pourquoi il a ajouté sans lui faire de l'association? Car on peut adorer Allah, mais en même temps on fait de l'association. C'est ça le problème. Donc, ce qui nous est demandé, c'est pas seulement d'adorer Allah, mais c'est de l'adorer sans association. Voilà la différence. Comme a dit Allah Azza wa Jal, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ. Allah Ta'ala dit dans le Coran, beaucoup de croient en moi, mais ils font du shirk en même temps. C'est ça le mushkila. Hein? Donc, faire la prière, faire la zakat, c'est très facile. Mais est-ce que tu ne fais pas le shirk? Est-ce que tu ne fais pas l'associanisme? Est-ce que tu adores seulement Allah? Ou là tu t'oublies et tu vas à la tombe et tu demandes aux morts de te donner des enfants et de faire descendre la pluie? Ou bien est-ce que tu t'oublies et lorsque tu jures, tu ne jures pas par Allah, tu jures par la tête de ton père, certains jurent par la tête de leur mère. Tout ça c'est du shirk. Certains la jurent par le prophète, ils disent un nabi. Certains jurent par le wali et comme ça. Tout ça c'est du shirk. Ensuite il a dit فَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ. Il a dit celui qui fait le shirk, il est en train d'expliquer aux juifs, il leur a dit celui qui fait le shirk كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَارِقٍ. Celui qui fait le shirk, c'est comme quelqu'un qui a acheté un esclave avec son propre argent, son meilleur argent, en or ou en argent. Non. Quelqu'un avec de l'or ou bien avec de l'argent, yani le métal argent, il a acheté un esclave. ثم أسكنه دارا. Ensuite, il l'a fait habiter dans une maison. Il a acheté un esclave, il l'a habité dans la maison. فقال اعمل وارفع لي. Il lui a dit travaille et tu me donnes, yani, ce que tu travailles. Tu me donnes. Vous savez que l'esclave, rien ne lui appartient. Parce que l'esclave lui-même a été acheté. L'esclave, quand il travaille chez des gens ou là, son argent n'est pas son argent. Son argent, c'est l'argent du maître, du serviteur. Naam. Un esclave n'a pas le droit d'avoir de l'argent. Son argent, même s'il travaille, il revient à qui? Il revient à son serviteur, à son maître. Naam. Alors il lui a dit, tu travailles, tu me donnes de l'argent. Alors cet esclave a commencé à travailler, mais au lieu de donner l'argent, ou les choses qu'on lui donne contre le travail, au lieu de les donner à son serviteur, ou à son maître, il les donnait à qui? À une autre personne. Alors ici il a dit, quiconque de vous accepterait que son esclave soit ainsi. Regardez le bel exemple. Quand les prophètes parlent, ce n'est pas n'importe qui parle. Regardez les prophètes comment ils parlent, comment ils donnent les exemples. Naam. Regardez l'exemple du shirk. Tu as un esclave, tu l'as acheté avec de l'or ou là de l'argent. Ensuite, il va travailler, au lieu qu'il te donne à toi, il donne à un autre. Subhanallah. Imaginez, celui-là, tu l'as seulement acheté. Qu'en est-il, Allah subhanahu wa ta'ala, t'as créé. Et au lieu qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'on va faire? On va remercier les gens et on va adorer les gens, on va adorer nos passions, on va adorer autre chose. Naam. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ta'isa abdul dirham, Ta'isa abdul dinar, Ta'isa abdul qatifa, Ta'isa abdul khamila. Il les appelait abd. Il a dit yani, est très malheureux. Yani, l'abd, l'adorateur du dirham. Autrefois, il n'y avait pas de dollar. Et malheureux, l'adorateur du dinar. Et malheureux, l'adorateur du velours. Et comme ça. Naam, ce sont des adorateurs. Yani, celui qui aime une chose au point où, classe, il s'oublie, il ne remercie pas Allah, il ne fait pas les ibadat, il ne fait rien. Celui-là, il a abandonné quoi? Celui-là, il a adoré quoi? Il a adoré cette chose. Il a adoré cette chose. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهُ هَوَهُ. Ne vois-tu pas celui qui a adoré ses passions? Ne vois-tu pas celui qui a adoré ses sentiments? Comment une personne peut adorer ses passions? Naam. Il dit, tout ce que j'ai envie, tout ce que me dicte mes passions, je l'ai fait. Il n'a pas le halal, il n'a pas le haram. Nous, بِإِذْنَ تَعَالَى, on ne fait pas une chose sans demander. Est-ce qu'Allah veut cette chose, je la fais, ou est-ce qu'Allah n'aime pas cette chose, je m'en éloigne. Ça, c'est celui qui adore Allah. Mais celui qui adore ses passions, il ne cherche pas ce qu'a dit Allah, ni ce qu'a dit son prophète. Il fait ce que lui dicte ses passions, son nefs lui et son shaitan. Naam, il ne cherche pas ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala ou là son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là, il s'est adoré. Il s'est adoré lui-même ou bien il a adoré ses passions. Donc lui, ici, il veut montrer que le shirk, c'est quoi? C'est à peu près comme l'esclave. Tu l'achètes toi avec de l'or, au lieu qu'il te rembourse à toi, naam, qu'il te donne la chose qu'on lui a donnée, maintenant il va la donner à une autre. Ici, il a dit, فَأَيُّكُمْ يَرْضَنْ يَكُونَ عَبْدُوا كَذَلِكَ. Qui de vous voudrait que son esclave soit ainsi? وَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ فَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé, il vous a donné des biens, alors adorez-le et ne faites pas le shirk. Naam. Comme a dit Allah ta'ala, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Naam. Et vous faites, رِزْقَكُمْ ici, la récompense. Et vous me récompensez en faisant le shirk. Naam. Au lieu de récompenser Allah subhanahu wa ta'ala, comment qu'on le récompense? Allez, on le remercie, on lui dit Alhamdulillah. Maintenant on fait le contraire, on fait le shirk. On fait le shirk. Ça c'est la première des choses. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne toute chose sauf le shirk. Quand quelqu'un meurt, s'il meurt avec le shirk, Allah azza wa jalla ne lui pardonne pas. Naam. S'il meurt avec le grand shirk, il va rentrer en enfer pour ne plus ressortir. S'il meurt avec le petit shirk, il lui pardonne pas le petit shirk, mais yani, il a, alhamdoulilah, beaucoup d'autres récompenses, beaucoup de belles choses, bonnes choses qu'il a faites, etc., qui peuvent le sauver. Ou là, il rentre un peu à Jahannam et il sort. Mais alhamdoulilah, il sort. Mais s'il meurt avec le grand shirk, c'est pas la peine qu'il le croit qu'il va sortir de Jahannam. Donc ça, c'est la première des choses. C'est pour ça, entre parenthèses, que la première des choses qu'on doit apprendre, c'est quoi? C'est la aqida. Pourquoi? Pour connaître le shirk, connaître comment vient le shirk, connaître les choses qui sont shirk, pour s'en éloigner. J'ai toujours dit que jamais tu ne peux combattre une chose que tu ne connais pas. Jamais tu ne peux combattre un ennemi que tu ne connais pas. C'est impossible. Comment tu veux t'éloigner du shirk? Tu ne sais pas ce que c'est le shirk. Peut-être du matin au soir tu fais le shirk, tu dis le shirk, tu penses au shirk, tu fais le shirk, et tu ne sais pas, tu ne connais pas la aqida, tu ne sais pas. Il faut connaître la aqida pour connaître que cette chose c'est du shirk, il faut s'en éloigner. L'ennemi, si tu veux le combattre, tu dois d'abord envoyer des espions à l'ennemi pour savoir tout ce qu'il possède. Quels sont les genres de mitraillettes qu'il a, les genres de bombes, les genres d'avions qu'il emploie. Quels sont les ordinateurs qu'il a? Quels sont les endroits où il est? Tu dois connaître tous les détails. Quand tu connais bien l'ennemi, tu peux lui faire la guerre. Sinon, c'est impossible. Tu ne sais pas ce qu'il a. Imaginez, rappelez-vous, lorsque, je viens de me souvenir de ça maintenant. Rappelez-vous, lorsque la guerre du monde, lorsque la guerre mondiale, naam, lors de la guerre mondiale, lorsqu'il y a eu le grand conflit entre les États-Unis et le Japon. Naam. Le Japon, il est très difficile de le battre en guerre, très difficile. Vous connaissez les kamikazes, etc., c'est impossible. Qu'a fait les États-Unis? Les États-Unis ont envoyé la première bombe atomique. Elle est tombée sur Hiroshima, tout le monde sait. Hiroshima, des milliers de morts, si ce n'est pas des millions, des milliers de brûlés, des milliers, etc. Donc, déjà, le Japon a commencé à avoir peur. 3 jours après, on lui a envoyé la deuxième bombe atomique à Nagasaki. Normalement, ce n'était pas à Nagasaki, mais il y avait des brouillards, etc. Il a lâché à Nagasaki. Donc, la deuxième bombe, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait le ravage, de plus que la première. Ici, les États-Unis, qu'ont fait? Ils ont dit, maintenant, tu as donné le deuxième ultimatum. Ils ont dit au Japon, si tu n'arrêtes pas, tu vas pas capituler, on envoie la troisième, et maintenant en plein capital. Alors que tout le monde sait que les États-Unis n'avaient pas la troisième bombe. Ils avaient seulement 2. Et, khlas, ils les ont jetées. Donc, qu'est-ce qu'il y a rapport avec le DAS? Si le Japon savait que les États-Unis n'avaient pas la troisième bombe, qu'est-ce qui serait passé? Est-ce qu'ils auraient capitulé? Là, ça aurait été la fin des États-Unis. Mais ils ont bluffé ici, mais on veut dire que quand quelqu'un ne connaît pas son ennemi et ce qu'il a, etc., il perd la guerre. Ça veut dire que si le Japon avait su que les États-Unis, c'est du bluff ici, ils n'ont pas la troisième bombe atomique, il aurait fait ravage aux États-Unis. C'est pour ça que je dis, il faut connaître bien l'ennemi pour le combattre. Le shirk, il faut bien le combattre, il faut bien le connaître pour le combattre. Naam. Tout ça, c'est la première des choses. La première des cinq choses que Allah Azza wa Jalla a dit, il faut que tu divulgues à Ben Israël. C'est quoi la deuxième chose? Wa amurukum bis salat. Et je vous ordonne de faire la prière. Allah subhanahu wa ta'ala vous ordonne de faire la prière. Wa idha kumtum ila salat fa la tiltafitu. Fa inna Allah Azza wa Jalla yuqbilu bi wajhihi ala 'abdihi man lam yiltafit. Regardez ce que leur a dit Yahya alayhi salam. Allah Azza wa Jalla vous ordonne, bien je vous ordonne de faire la salat. Et si vous levez pour faire la salat, avant de dire Allahu Akbar, quand vous commencez, vous dites Allahu Akbar, فَلَا تَلْتَفِتُوا. Hein, ne vous tournez pas droite à gauche. Comme on dit, par exemple, quelqu'un est en train de faire la prière, ensuite il jette les yeux à droite pour voir qui est entré, ou là, qui est sorti, ou là, qu'est-ce qu'ils sont en train de manger, ou là, quelle heure est-il, ou là. Ça, il a dit ici, Yahya alayhi salam, il a dit, ne faites pas cette chose, il t'y fait. Ne faites pas cette chose. Et vous connaissez le hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Aïcha, où le prophète alayhi wa sallam, quand elle lui a demandé pourquoi de temps en temps on jette des yeux à droite à gauche, il a dit, ça c'est ikhtilas, ikhtilisu shaytan min salat. Il a dit ça, c'est le shaytan qui te pousse à ce que tu fasses comme ça. Pourquoi? Pour qu'il te vole un peu de ta salat. Naam. S'il peut pas le shaytan, s'il ne peut pas t'annuler la salat, au moins qu'il t'enlève yani, le maximum qu'il peut. Hein. Au moins s'il ne peut pas te l'enlever à 100%, il voudrait que yani, au moins tu as de la salat yani, 70% au lieu de 100%. Non, il essaie au maximum de te voler de la salat. Comment qu'il te vole lorsque par exemple tu tournes à droite et à gauche. Au lieu de regarder seulement à l'endroit où tu vas faire le soujoud, il va te faire des choses comme ça pour que tu tournes à droite, yani, tu jettes un peu des œillades comme ça, tu vois un peu à droite, un peu à gauche, ça s'appelle iltifat. Que leur a dit Yahya alayhi salam, et si vous rentrez dans la salat, ne faites pas ce qu'on appelle iltifat. C'est pas comme on dit en français, mais on tourne un peu les yeux vers la droite, vers la gauche. Pourquoi ne faites pas ceci? Il a dit, فَإِنَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ عَلَى الْعَبْدِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, car Allah subhanahu wa ta'ala met son visage contre le visage de celui qui fait la prière, comme on l'a dit dans un autre hadith sahih, comme ça, de face, tant qu'il ne détourne pas le regard. Non. Imaginez toujours, c'est pour ça, pour que vous sentiez que vous êtes dans la salat, il faut que vous méditiez ces choses, il faut que ces choses soient présentes quand on fait la salat. C'est pas seulement dire Allahu Akbar et on commence à lire. Rappelle-toi, avant de lever tes mains et que tu dises Allahu Akbar, dis-toi subhanallah, dans un instant je vais dire Allahu Akbar, le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala va être en face de moi. Bien sûr, nous on ne le voit pas, mais on croit en cela. Donc, essaye de ne pas détourner le regard à droite à gauche, yani, et avoir honte d'Allah, au moins avoir honte de lui. Lui, il est en face de toi. Il a mis son visage en face de toi, et toi tu détournes de lui. Non, il faut au moins avoir honte. Ensuite, il a dit, ça c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, wa amurukum bisiyam, et je vous ordonne de jeûner. Et l'exemple de celui qui jeûne, كمثل رجل معه سرة مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك. Quelqu'un qui fait le siyam, fait le jeûne obligatoire et aussi le jeûne surérogatoire, nafila, c'est quoi son exemple? C'est comme quelqu'un qui a سرة مسك. Il a par exemple, disons une bouteille où il y a du parfum à l'intérieur, du musc. Et Surra Hadi, elle n'a pas de bouchon. Il a du musc, par exemple, à l'intérieur d'une chose. Et il est avec un groupe. Il est assis avec un groupe. Et Kulluhum. Et tout le groupe qui sont assis commence à sentir ce merveilleux parfum. L'odeur, yani, magnifique. Ça c'est bien ou c'est pas bien, yani. On est assis en groupe et on sent un parfum, mashallah, on ne sait pas d'où il vient. Masha'Allah, ce parfum. Masha'Allah. Il a dit, wa inna khalufa fami sa'im atyabu 'inda Allah min rihil misk. Et celui qui jeûne, l'haleine, yani l'odeur qui sort de sa bouche, même si pour nous elle est mauvaise, mais il a dit pour Allah, elle est mieux que ce parfum. Ce parfum dont il vient de parler. Elle est mieux que le parfum du musc. Le musc qu'il y a au paradis. Non, pour quelqu'un qui jeûne. Il ne faut pas voir pour nous. Pour nous, quand quelqu'un jeûne, si on sent sa bouche, peut-être qu'il a une mauvaise odeur. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une odeur qui sort. Yani, comme du musc, et mieux que le musc, mieux que le parfum qu'il y a au paradis. Mais nous, on ne peut pas sentir ces choses, mais on croit en ces choses. On croit en ces choses. Quatrièmement, wa amurukum bisadaqa, et je vous demande de faire l'aumône. Allah Ta'ala vous demande de faire l'aumône. Wa mathalu dhalik, et l'exemple, il va donner l'exemple, celui qui fait la sadaqa et celui qui ne fait pas. Wa mathalu dhalik kamathali rajulin asarahu al'adu fashaddu yadayhi ila 'unuqihi. Il a dit, celui qui fait l'aumône, c'est comme quelqu'un que les ennemis ont attrapé. Yani, on fait par exemple la guerre, maintenant les ennemis m'ont attrapé. On a attrapé une personne, ils lui ont lié les mains au cou. Imaginez, on lui lie les mains au cou. Parce qu'il est lié. Et on l'a avancé pour frapper sa tête. On veut lui trancher sa tête. Il a les mains liées au cou. Il leur a dit, c'est un exemple là, cette personne dont les mains sont liées au cou va leur dire, هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ Est-ce que vous acceptez? Si je donne des choses pour que vous me libériez, c'est possible, yani, je donne des choses, vous me libérez, vous ne me tuez pas? Il a dit, فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. Et il a commencé à donner de l'argent. Par exemple, il avait de l'or, il a commencé à donner, jusqu'à ce qu'on l'ait lâché. Et on l'a lâché, et alhamdoulilah, il n'a pas été tué, on ne lui a pas tranché la tête. Donc, pourquoi on ne lui a pas tranché la tête? Parce qu'il avait, il a donné des choses. Ici, l'exemple veut dire que quelqu'un qui fait l'aumône et qui donne aux pauvres, qui donne de temps en temps, il donne de l'argent, etc., surtout s'il est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, yani, c'est comme si toute personne est vouée à ce qu'elle soit châtiée, à ce que sa tête soit coupée. Mais, maintenant, quand elle fait l'aumône, etc., elle va être sauvée. Ça veut dire que celui qui ne donne pas l'aumône, ça veut dire le radin, ça veut dire l'avare, celui-là, s'il ne donne pas, c'est lui qui va perdre. Car il est enclin et voué à ce que sa tête soit coupée. Maintenant, demain, s'il va mourir, il va trouver des choses horribles qui l'attendent et atroces. Il se serait dit, Allah, si je savais, j'aurais fait l'aumône dans la vie pour être sauvé. Parce que ce jour-là, tu voudras donner tout l'or que tu as. À quoi ça sert? Tu vas donner l'or à qui? À Allah. Tu lui donnes, ya Allah, je vais te donner un peu d'or et ne rentre pas au Jahannam. Tu vas donner à Allah, tu vas donner aux anges. Les anges qui ni ne mangent, ni ne boivent, ni ne font rien. Tu donnes à un ange de l'or et tu lui dis, essaye de me pistonner aujourd'hui. Ne dis pas à Allah subhanahu wa ta'ala que j'ai fait ceci, cela pour me sauver. Ne me mets pas sur la liste ceux qui vont rentrer à Jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala, yani, on peut lui cacher des choses. Donc, comme Allah Azza wa Jalla a dit dans beaucoup de versets, il a dit que les kofars, etc., ils voudraient le jour du monde dernier qu'ils donneraient tout l'or de la terre, tout l'or, pour qu'ils soient sauvés seulement. C'est pas pour qu'ils rentrent au paradis. Non, c'est pas, le paradis n'est pas pour les kofars. Seulement pour être sauvés de l'enfer, sauvés des châtiments. Naam, celui qui fait l'aumône, surtout celui qui l'a fait en cachette, sans dire à quelqu'un, ni à son frère, ni à sa mère, ni à sa grand-mère, ni à son mari, ni à personne. Il l'a fait seulement entre lui et le pauvre. Celui-là, il aura de grands ajr dans cette vie et beaucoup, beaucoup de belles choses l'attendent le jour du jugement dernier. Pourquoi? Parce qu'il fait des choses en Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, il aura beaucoup, beaucoup d'ajr. Comment dit Allah subhanahu wa ta'ala? مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نعم. Il a dit aussi, والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات ربهم وتثبيتا من أنفسهم. نعم. Ceux qui donnent l'aumône, yani, avec un cœur raffermé, c'est C'est pas il donne yani, en tremblant et en peur. Il donne avec un cœur raffermi. Je donne pour Allah. Je sais que il ne me laissera pas. Car c'est lui qui a dit dans le Coran, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Il a dit dans le Coran, n'importe que, yani, si vous donnez une chose, c'est moi qui vous la rends. Si tu donnes une chose, il la rend. Et il a dit dans le Coran, il la rend 10 fois plus, 100 fois plus, 700 fois plus. Naam. D'après, quand tu donnes, d'après qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Comment as-tu donné? C'est pour ça que deux personnes peuvent donner la même somme. Heba, cette personne donne 10 euros et cette personne donne 10 euros. Ou la disons 1 euro seulement. Cette personne donne 1 euro, cette personne 1 euro. Peut-être à la première personne, l'Azawajal va donner 700 récompenses. Et la deuxième, il va donner seulement 10. Et pourquoi ils ont donné la même somme? Naam. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur? Qu'est-ce qu'il y avait? Peut-être l'autre qui a donné l'euro, le premier euro, a donné en disant, Allah, j'aurais voulu ne pas donner, mais j'ai honte. J'ai vu les gens donner, je donne moi aussi. Et le deuxième qui a donné disait dans son cœur, Ya Allah, si j'avais, j'aurais donné plus. Mais Allah, ghalib, j'ai pas. Je ne peux donner qu'un euro. Mais Allah sait que si j'avais, j'aurais donné plus. Had Allah subhanahu wa ta'ala lui donne 700, 800 et des millions de récompenses. Naam. Il y a une grande différence quand on donne, qu'est-ce qu'on a dans le cœur. C'est pas seulement donner. C'est pour ça que quelqu'un peut donner 1000 euros et l'autre donne 1 euro et celui de l'euro peut avoir des récompenses plus que celui des 1000. Naam. D'après qu'est-ce qu'il avait dans le cœur. Et même celui qui a donné des 1000, il peut avoir des péchés au lieu de Hajj. Pourquoi? Parce qu'il a donné, il s'est dit, je vais sortir et donner pour que les gens me voient, pour que les gens disent, il donne. Celui-là, c'est le premier qui sera le combustible de l'enfer, comme on a vu dans le hadith. Naam. Ici ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, وَأَمُرُكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى. Ensuite, la cinquième chose, je vous ordonne d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. D'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il va donner l'exemple de celui qui invoque, celui qui n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُ سِرَاعًا فِي أَثَارِهِ فَأَتَحِسْنًا حَصِينًا فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ فِيهِ. Il a dit, et celui qui invoque beaucoup Allah, celui qui invoque beaucoup, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, il dit le Coran, etc., il dit la hawla wa la quwwata, il dit beaucoup ces choses. Celui-là, il a dit, c'est comme quelqu'un que les ennemis ont voulu attraper. Ils ont voulu attraper pour le tuer. Naam. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont couru derrière lui très vite et il s'est caché. Il s'est caché dans Hisn. Hisn, je ne sais pas comment on dit. Disons dans une caverne, disons dans un palais. Al-Muhim. Il est rentré et il s'est enfermé à l'intérieur. Fa'ahraza nafsa. Il n'y a ni personne ne peut rentrer parce qu'il faut des clés, etc. pour rentrer où il est lui. Il a dit, وَإِنَّ الْعَبْدَ أَحْسَنُ مَا يَكُونُ مِنْ الشَّيْطَانِ إِذَا كَانَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ. Et la même chose, il a dit, maintenant les adversaires c'est qui? C'est le shaitan, c'est lui le plus grand adversaire. Il a dit, si tu es de ceux qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup, c'est comme si tu t'es vacciné contre le shaitan. Khlas, tu es protégé, tu es immunisé. C'est la citadelle, il est rentré dans une citadelle et il s'est enfermé à l'intérieur. Maintenant il a dit, c'est la même chose. Quelqu'un qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup, le shaitan ne joue pas beaucoup avec lui. Il sait que ce n'est pas une proie facile. Naam. La proie facile, c'est celui qui oublie Allah Azza wa Jal. Naam. Il ne parle que des choses se bas monde. Celui-là, pour le shaitan, il le met dans la poche très facilement. Mais quelqu'un qui, du matin au soir, il est dans les prières, il est dans le Coran, il est dans les explications du Coran, il est dans la aqidah, il est dans le tafsir, il est dans les halaqat. Ah, celui-là, le shaitan, il peut pas. Même s'il peut, c'est des choses simples, des futilités. Et il le fait tremper dans des choses simples. Mais celui qui n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une proie, une grande proie au shaitan. Naam, une proie très facile. Très, très, très, très facile. Naam. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, il a dit, وَمَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ اللَّهُ وَلَا يَذْكُرُهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُهُ كَمَثَلِ الْحَيُّ وَالْمَيِّتِ. Naam. Il a dit, celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala et celui qui ne l'invoque pas, c'est comme un mort, un vivant et un mort. Naam, c'est comme un vivant et un mort. À quoi ça sert d'être vivant si tu ne si tu n'invoques pas Allah subhanahu wa ta'ala, si tu ne l'adores pas, si tu ne le connais pas. À quoi ça sert d'être vivant? Naam? C'est pour ça que tous les gens, pour Allah subhanahu wa ta'ala, tous les gens sont morts, sauf ceux qui l'ont connu, sauf ceux qui l'invoquent. Les autres, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des morts. C'est pour ça que Allah azza wa jalla a dit dans le Coran, il a dit innaka la tusmi'u al-mauta. Il parlait au prophète, il lui a dit, tu ne peux pas écouter les, tu ne peux pas faire écouter les morts. Innaka la tusmi'u al-mauta. Ibn Kathir a dit dans le tafsir, tu ne peux pas faire écouter les morts. Il a dit, les morts, ce sont les gens vivants, mais qui ont enfermé leur cœur dans les tombes de leur corps. Ils ont enfermé leur cœur dans les tombes de leur corps. Ils ont fait de leur corps une tombe. Et leur cœur est mort à l'intérieur. L'âme, ce sont ça, des gens qui ne peuvent pas, tu ne peux pas entendre. C'est-à-dire, ni tu ne peux pas les faire entendre l'islam. Là, ce sont des morts. C'est pour ça que Allah a dit dans le Coran, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَجِبُوا لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ. Ô vous les croyants, répondez à Allah et à son prophète, إِذَا دَعَاكُمْ, s'il vous invite à ce qui vous fait vivre. مَا يُحْيِيكُمْ. Pourquoi il a dit vous fait vivre? Parce que tant que tu ne suis pas Allah Azza wa Jalla, son Coran, ni son prophète, Islam, tu es un mort. Naam, on est tous des morts. Sauf celui qui suit le Coran et la Sunna. Celui qui a connu Allah et qui l'adore. Et celui-là, le vivant. C'est pour ça que le degré de vie, il y en a proportionnel. Naam, proportionnel. Il diffère, d'une personne à une autre. Moi et mon frère et ma mère et mon père et mon voisin, on n'a pas le même degré de vie, la vraie vie, on n'a pas. D'après quoi? D'après combien j'adore Allah, combien je l'ai connu, qu'est-ce que je sais comme verset, combien j'applique de l'islam. D'après cela, tu as une vie. Et ton frère, s'il est moins, il ne fait pas la prière à l'heure, il ne dit pas le congé, sa vie est moindre. Et comme ça, il y a des gens, ceux qui ont la vie la plus parfaite dans ce monde, ce sont les prophètes. Car ce sont eux qui ont connu Allah Azza wa Jalla et l'adoré au plus grand point, au plus haut point. Et comme ça, plus on connaît Allah subhanahu wa ta'ala et on l'adore, plus on vit. Sinon, on est des morts, on est des morts. Naam. Tous les gens que vous voyez autour de vous, qui n'ont pas connu Allah, qui ne l'adorent pas, ce sont des morts. Ils vivent seulement pour manger. Ce sont des bestiaux, comme a dit Allah dans le Coran. Ce sont des bestiaux, il a dit, mais les bestiaux sont mieux qu'eux. Les bestiaux sont mieux qu'eux. Ensuite, il a dit, وَأَنَا أَمُرُكُمْ بِخَمْسِ. Et moi, je vous ordonne de faire cinq choses que Allah subhanahu wa ta'ala m'a ordonné. الْجَمَاعَ. الْجَمَاعَ. Naam. Le prophète, الْجَمَاعَ, c'est quoi? الْجَمَاعَ, c'est de ne pas être seul. Le groupe, الْجَمَاعَ. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, إِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ. Il a dit dans un hadith authentique, il a dit, le shaitan est avec les seuls. Celui qui est seul, le shaitan est avec lui. Il a dit, mais quand vous êtes deux, le shaitan est loin. Non, le shaitan aime la personne qui est seule. C'est pour ça qu'il y a un hadith où il est dit, on ne doit pas voyager seul. Et un autre hadith où il est dit, on ne doit pas dormir seul. Quand on est seul, c'est le shaitan qui est avec nous. Mais quand on est deux, le prophète Aslam a dit, le shaitan est très loin. Et le prophète Aslam a dit, Inna Allah ma'al jama'a. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala était toujours avec le groupe. Et le groupe ici, ce n'est pas seulement le fait d'être à 2, à 3, à 100, mais c'est aussi le jama'a, c'est quoi? C'est d'être avec le gouverneur. Ne pas être contre le gouverneur. Être avec lui. Naam. C'est le jama'a qui s'entoure, qui l'entoure. Les musulmans doivent toujours être avec leur gouverneur tant qu'il n'est pas kafir. S'il fait tous les péchés du monde, il boit tout le vin qu'il y a, il vole tout l'argent de son peuple et il fait la zine, la joue, obéir, tant qu'il ne m'ordonne pas de désobéir à Allah et son prophète. C'est comme ça que tu connais quelqu'un qui est sphéré, il va te dire non, celui-là je ne le suis pas, il n'est pas pieux, celui-là c'est un takfiri. Naam, c'est un takfiri. Sunna al-Jama'a disent, tout ce qu'il fait, c'est contre lui. Je m'en fous de ce qu'il a fait. L'essentiel, c'est qu'il n'est pas kafir, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a dit, وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَ. Vous savez ce que ça veut dire? Il a dit, et vous devez écouter et obéir, comme je viens de dire, au gouverneur. سَمْعُ وَالطَّاعَ. Naam. Tant que quoi? Tant qu'il n'est pas kafir. Dans un hadith sahih de muslim, il a dit, وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ. Même s'il frappe ton dos, il fouette ton dos. وَأَخَذَ مَالَكَ. Il te prend ton argent. Naam. Il te fouette ton dos sans que tu fasses rien. Il t'a lésé, il est injuste avec toi, il t'a fouetté ton dos. Et il t'a pris ton argent tes biens. Il t'a confisqué ta maison et tes fermes. Tu ne vas pas dire là c'est un kafir. Non, il a dit tu dois lui obéir. Tu dois toujours lui obéir. Naam. C'est pour ça que vous remarquez que le takfir, où il est sorti la première fois? Yani de notre temps. Il est sorti des prisons. Naam. Les gens en prison, ils disent comment cela? Nous, on n'a rien fait. On a fait seulement la salat. On a dit seulement on veut être yani, guidé par le Coran et la Sunna, c'est tout. Il vient ce gouverneur, il nous met en prison, il nous frappe, il nous fouette, il nous a tout confisqué, alors qu'il a laissé les autres, les pervers qui boivent l'alcool, etc. Il est avec eux, il rit avec eux. Donc celui-là, c'est un kafir. Non, celui-là, c'est un kafir qui fait cela. Et c'est comme ça qu'a commencé le takfir. Surtout, quand on leur fait le adab dans les cellules, quand ils sont en prison, dans les jolados, on leur fait des châtiments. On leur fait boire de l'eau jusqu'à, on leur fait de l'électricité, on les frappe, on les fouette, etc. Ils disent, subhanallah, si c'était des musulmans, ils n'auraient pas fait cela. Tant qu'ils nous ont fait cela, à cause du din, tant que cela sont des kuffars, sont des quoi. C'est comme ça qu'a commencé le takfir dans les prisons, avec les frères musulmans, les prisons, naam. Il a dit ici, tu dois obéir et lui écouter. Obéir et lui écouter, dans un autre hadith, il a dit, même s'il fouette ton dos et te confisque tes biens. Naam, tu dis pas c'est un kafir. Ensuite, il a dit, wal hijra, et tu dois faire la hijra. Naam. En principe, un musulman ne doit pas rester dans un pays de kuffar. Naam. Sauf s'il n'a pas les moyens de sortir. Par exemple, il sait que s'il va dans son pays, il est recherché, il ne peut pas. Ou il n'a pas le passeport. Bien, il n'a pas d'argent pour quitter. Celui-là, au moins, il met dans son cœur que, à la première occasion, il quitterait. Au moins dans son cœur. Comme ça, s'il meurt, il fera témoigner son cœur qu'il voulait sortir et il voulait quitter un jour. C'est mieux que celui qui dit, moi je m'en fous, je suis là, et je ne pense pas à cette chose. Mais au moins celui, yani, qui n'a pas les moyens de quitter, au moins il fait dans son cœur l'intention de dire, prochain, yani, le moment opportun, inshallah, je sortirai. Car la hijra, yani, si quelqu'un meurt dans un pays de kuffar, et qu'il avait les moyens de sortir, celui-là, c'est un peu grave pour lui. Ensuite, vous savez que, quand on meurt dans un pays, la sunna, c'est d'être enterré dans ce pays et de ne pas changer de pays. Même dans une ville, quand on est par exemple en Algérie, je donne un exemple, je suis en Algérie, je meurs à Alger, c'est pas de la sunna de me prendre et de m'enterrer à Blida. Je suis mort à Alger, on m'enterre à Alger. C'est ça la sunna. Sauf si quoi? Sauf s'il n'y a pas de place ou la mairie ne me donne pas où on va m'enterrer, etc. Je suis obligé qu'on me prenne ailleurs. Sinon, on doit être enterré dans le pays où on meurt. Bien sûr, donc c'est grave d'être déjà enterré dans un pays de kuffar. Sauf si, bien sûr, yani, on avait l'intention de sortir et on est mort, la ghalib, et on est enterré dans un cimetière de musulmans. Ensuite, n'oubliez pas que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans le verset qui fait beaucoup peur, verset de Sourah, yani verset 90, je crois que c'est Sourah Nisa, si je ne me trompe pas. Naam, Sourah Nisa, où Allah subhanahu wa ta'ala dit: الَّذِينَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Là, c'est très grave. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce Coran, yani, que lorsque les anges viendront pour prendre l'âme, ou là, les âmes de les gens qui se sont fait du tort à eux-mêmes, ils leur diront, si les anges diront, où en étiez-vous? Yani, à propos de votre religion, où en étiez-vous? Qu'est-ce qu'ils répondront? Nous étions impuissants sur terre. Ah, on était impuissants, on pouvait rien faire, on était dans un pays de coffre. Ah, on pouvait pas faire ceci, cela. On pouvait pas mettre le hijab. On a peur, on pouvait pas me prier, on pouvait pas. On était dans un pays de coffre. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha? Ensuite, Allah a dit, voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Et auparavant, il a dit que les anges, quand ils sont venus à ces personnes, qui ont fait du tort à eux-mêmes. Ils ont fait du tort. C'est quoi le tort? C'est de rester entre les kuffars et de ne pas vouloir quitter le pays parce que beaucoup s'y plaisent. Beaucoup disent, moi je trouve ici ce qu'il n'y a pas ailleurs. Moi je suis ici, j'ai tout à ma portée. Moi, j'ai tout à ma portée. Pourquoi vais-je quitter ce pays et aller dans un pays où ça va être difficile d'avoir les choses, les perfections, hein? Enfin, difficile. Je vais aller où il n'y a pas peut-être l'ascenseur, je vais monter 5 étages à pied. Alors que là, mashallah, je monte en 1 seconde. Je vais aller dans des endroits où il n'y a pas, les bus sont bondés, il n'y a pas même pas des bus. Et il n'y a pas des choses, il n'y a pas le fromage, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont me manquer. Alors il dit, je suis là, mashallah, rien ne me manque. Mais il sait pas qu'il lui manque tout. Il lui manque quoi? Que Allah subhanahu wa ta'ala soit ravi de lui. Il lui manque que s'il meurt alors qu'il n'avait pas fait la hijra, c'est vraiment vraiment difficile pour lui. C'est vraiment difficile et ça fait de la peine que quelqu'un yani, travaille du matin jusqu'au soir. Ensuite, s'il meurt, il va trouver des choses yani, horribles. Non. Du matin jusqu'au soir, il voudrait plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, s'il meurt, les anges vont lui dire ce que je viens de dire. La houla. C'est pour ça que je donne un conseil à mes frères et mes sœurs, yani, au moins d'avoir l'intention dans le cœur. Au moins, l'intention dans le cœur. Bi'iznillah azza wa jal. Ensuite, il a dit, wal jihad fi sabilillah. Et je vous ordonne aussi le jihad fi sabilillah. Et le jihad fi sabilillah, c'est la même chose. Le jihad fi sabilillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque ne l'a pas fait, n'a pas fait le jihad, ou bien ne sait pas parler avec son cœur, il n'a pas fait l'intention dans son cœur, il a dit, s'il meurt, il meurt dans un rameau, des rameaux de l'hypocrisie. Mata ala shu'batin min an-nifaq. Naam. Quiconque, tout musulman, doit dire dans son cœur, si demain il y a le jihad, si demain il y a le jihad officiel, le jihad que les ulama disent c'est un jihad, c'est pas le jihad des takfiriyin, le vrai jihad, il a dit, là, yani, je serai le premier, inshallah ta'ala, à y aller. Je serai le premier à y aller. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque ne fait pas le jihad, ou bien ne dit pas dans son cœur, ne fait pas l'intention dans son cœur, s'il meurt, c'est grave. Il meurt dans un quoi? Dans un rameau de l'hypocrisie. Ensuite, il a dit, ومن فإنه من فارق الجماعة قيد شبر نعم قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. Il a dit quiconque يعني il délaisse la jama'a, délaisse le gouverneur, il délaisse la jama'a, ceux qui sont autour de lui, et il délaisse ceux qui suivent la sunna, la vraie jama'a. Il a dit celui-là, c'est comme s'il avait enlevé l'anneau de l'islam de son cou. Naam, les prêtres islam. C'est comme le musulman, c'est comme s'il avait il avait une chaîne. Le musulman, il est comparé par exemple à un homme qui a une chaîne, et cette chaîne, elle est accrochée à son cou, elle va où? De l'autre côté, il y a quoi? Il y a le Coran et la Sunna. Il est toujours enchaîné par le Coran et la Sunna. Hein, il ne va ni à droite ni à gauche. Maintenant, c'est comme si il avait ouvert l'anneau, le dernier anneau qui tenait à son cou, et il a jeté la chaîne par terre. Il a dit comme ça, celui qui s'éloigne de la Jama'a. Celui qui s'éloigne, il dit, moi je suis plus le gouverneur et je suis plus les gens qui obéissent au gouverneur. Maintenant, il fait comme les khawarij. Il fait comme les khawarij. Les maillons. Naam. Un maillon. Il a lâché le vrai maillon de l'islam. Naam. De la chaîne. Il a jeté le maillon de la chaîne. Il a dit, illa an yuraja. Il a dit, sauf s'il fait les repentir et il revient. Sauf s'il fait le repentir et il revient. Ensuite, il a dit, وَمَنْ دَعَى بِدَعْوَةِ الْجَهِلِيَّةِ فَهُوْ مِنْ جُفَاءِ جَهَنَّمِ. Et quiconque, yani, fait des choses de la jahiliya, de l'époque anti-islam, avant l'islam, il y avait des manières, des habitudes de jahiliya. C'était pas l'islam. Ensuite, l'islam est venu, il a effacé la jahiliya, il a effacé. Maintenant, il y a l'islam. Ici, le hadith a dit, quiconque maintenant veut revenir à l'arrière, il veut revenir à l'époque avant l'islam. Il veut faire des choses qu'on faisait autrefois, dire des mots qu'on disait autrefois, avoir un comportement de jahiliya. Il a dit, celui-là, il sera, yani, un des combustibles de Jahannam. Un des combustibles de Jahannam. Naam. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith sahih, il a dit, laysa minna, il n'est pas de nous, ça veut dire qu'il a fait un grand péché, celui qui, par exemple, dans une mort, il se frappe les joues, bien se déchire les vêtements, il a dit, ou da'a bida'wat al-jahiliya. Ou bien, il fait quelque chose de la jahiliya. C'est quoi, par exemple, la jahiliya dans la mort? C'est quoi? C'est, par exemple, de dire, ya waylata, ya waylata. Il commence à se frapper les joues, à se tirer les cheveux, et à crier comme font les jahilines et comme font la jahiliya. Donc, nous, on doit faire ce que nous a appris l'islam. L'islam a annulé la jahiliya. Il a effacé, il n'y a plus de jahiliya. Plus tu connais l'islam, plus tu enlèves la jahiliya de ton cœur. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu que Abu Dharr, al-Ghifari, quand il a été insulté, il a dit quelque chose à l'autre, il lui a dit, Yabna Sauda, fils de la noire, sa mère était noire, il a insulté quelqu'un, il lui a dit, oh fils de la noire, que lui a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, innaka mru'un fika jahiliya. Tu es quelqu'un qui a toujours un peu de jahiliya. Naam. Parce qu'en islam, on dit pas quelqu'un, on lui dit pas comme ça. Donc, nous tous, on a plus ou moins de jahiliya. D'après quoi? D'après, si on n'a pas effacé la jahiliya de nous. Plus tu connais l'islam, plus tu en effaces la jahiliya que tu as en toi. C'est pour ça que quand quelqu'un rentre en islam, il commence à appliquer, il enlève toutes les mauvaises habitudes qu'il avait. Naam. Moi, dans la mort, si auparavant, je me tirais les cheveux, je me frappais, je me grattais les joues, et je criais des mots comme ça, des phrases de djihad, maintenant l'islam m'a appris, qu'est-ce que je dis? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahum ajirni fi musibati wa akhlif li khayr minha. Qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Naam, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand son fils Ibrahim est mort, qu'est-ce qu'il disait? Il tirait les cheveux, il se déchirait les vêtements comme font les chiites. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, inna al-ayna la tadma. Yani, l'œil larmoie. J'ai des larmes dans les yeux. Wa inna al-qalb la yahzan. J'ai le cœur qui est chagriné. Inna al-qalb la yahzan, wa inna al-ayna la tadma. Wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Mais on ne dit que ce qui ravit Allah subhanahu wa ta'ala. On ne dit pas comme disent les jahiliya. Ils disent des. Il y en a même qui disent à Allah, pourquoi tu m'as donné cette chose? Pourquoi tu m'as donné ce malheur et tu l'as pas donné à un autre? Tout ça, c'est la jahiliya. Et, wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzounoun. Et ya Ibrahim, yani ta séparation, yani nous a vraiment chagriné. Je suis vraiment chagriné par ta séparation. Mais, on pleure seulement, et on fait les doigts, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tu peux pleurer tant que tu veux. C'est pleurer pour vider, ma'alish. Mais, rester toujours dans la sunna et dans le Coran. Ne pas faire la jahiliya. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, quand quelqu'un rentre en islam, l'islam lui apprend à yani, être une nouvelle personne. L'islam te rend une nouvelle personne. Te fait oublier toutes tes habitudes et au lieu de l'habitude, des mauvaises habitudes, tu as quoi maintenant? Tu as maintenant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, masha'Allah. Le meilleur homme sur l'univers. Dans cet univers, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il t'apprend qu'est-ce que tu dis, comment tu parles, comment tu t'assois, comment tu t'habilles, comment tu fais la prière, comment tu te maries, comment tu fais la guerre, comment tu dis quand tu es énervé, qu'est-ce que tu dis quand tu es joyeux, qu'est-ce que tu dis quand... Subhanallah al-Azim, Masha'Allah. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Iswa. Yani, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, si quelqu'un veut imiter quelqu'un, qu'il imite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans toute chose, c'est lui le guide. C'est lui qui te montre comment tu manges, comment tu fais aux toilettes, comment tu rentres aux toilettes, comment tu sors, qu'est-ce que tu dis, comment tu t'habilles, comment tu fais avec ta femme, comment tu fais avec tes enfants, comment tu pries, comment tu fais le hajj, comment tu parles aux gens, comment, tout ça, tu enlèves tes anciennes habitudes et tu prends ces nouvelles. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, il a dit Sibrat Allah, Sibrat Allah, wa man ahsanu min Allah Sibra, Sibra subhanallah, peinture, Sibra, on dit Sibra, c'est la peinture, je veux acheter la peinture. Pourquoi il a dit peinture ici? Sibra, parce que c'est comme tu te peignais, c'est comme tu vas acheter de la peinture, tu vas te peindre, tu vas peindre ton cœur, il va tout changer. C'est comme une maison, il était vieille, ensuite la peinture, et si on la répare, elle devient nouvelle. Au point, la teinture, teinture, naam, au point où tu passes devant la maison, tu dis, subhanallah, ça c'est la maison de X, je ne l'ai pas reconnue. Eh, tu ne l'as pas reconnue, on vient de la teindre. La teinture, elle joue un grand rôle. Allah Azza wa Jalla a dit, sibrat Allah, imaginez la teinture d'Allah. Tu te teins, khlas, les gens ne te reconnaissent plus. Les gens disent, ils disent, subhanallah, c'est celui-là, X, wallah, il a changé, hein. Celui-là, il était dans les bars, donc il y a 6 mois ou une année, il est devenu comme ça, masha'Allah. La barbe, le qamis, le sunna, qala Allah, qala Rasul, les livres, Ibn Kathir, masha'Allah, comme il a changé. Et si c'est la fille elle, qui sortait pas de et fréquentait les gens, les dancing, la cigarette, maintenant, masha'Allah, avec le djilbab, avec masha'Allah, la prière, elle parle plus aux hommes. Elle est, yani, masha'Allah, comment elle a changé comme ça? Naam, elle a changé. La teinture d'Allah. Naam, c'est vrai Allah. Plus tu changes, plus ça veut dire que l'islam t'a marqué. Tu es imprégné par l'islam. L'islam a fait quelque chose en toi. Beaucoup de gens ne changent pas, ma'ad asif. Beaucoup de gens. Et la seule différence, c'est la salat. La seule différence, c'est, ils font le jeûne du ramadan. La seule différence, il va une fois dans sa vie au hajj. Voilà qu'est-ce qu'il a changé en lui. C'est pas ça l'islam. L'islam c'est tu oublies toutes tes habitudes et tu prends ce que t'apprends le Coran et la Sunna. Beaucoup de gens je dis n'ont pas changé. Naam. Hier il insultait le din. Aujourd'hui quand il s'énerve il insulte le din. Malgré qu'il fait la prière, malgré qu'il va au hajj. Naam. Hier il faisait le haram, aujourd'hui il fait le haram. Hier il consommait la drogue, aujourd'hui il va à la mosquée mais il consomme toujours la drogue. Est-ce que celui-là a adoré Allah subhanahu wa ta'ala? Celui-là il adore ses sentiments. Il n'a pas encore, il ne s'est pas encore teint. Naam, il n'a pas acheté la teinture, il ne l'a pas voulu. Ou bien il a acheté une teinture qui n'est pas vraie. Elle contient beaucoup d'eau. Elle ne peut pas peindre, elle ne peut pas teindre. Elle est pleine d'eau. Il faut la vraie peinture, la peinture d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ensuite il a dit, Akhirshi, je vais m'arrêter ici, déjà, je ne sais pas pourquoi il est déjà minuit, alors que j'avais préparé beaucoup de hadiths. Il a dit, Naam, il a dit, quiconque, quand il fait, dans son comportement, il a la jahiliya, il a dit, celui-là, c'est un combustible de Jahannam. Un combustible de Jahannam. Quand il fait la da'wa, il fait la da'wa à la jahiliya. Au lieu de faire la da'wa à l'islam, il fait la da'wa au jahiliya. Il a dit, il a dit c'est un combustible de l'enfer même s'il prétend que il fait la prière et il est musulman. Naam, comme je vous ai dit, être musulman ça ne veut pas dire que je ne vais pas rentrer en enfer. Être musulman ça veut dire seulement que je ne vais pas rester éternellement en enfer. Voilà la différence entre moi et le kafir. Le kafir il va rentrer en enfer pour plus sortir. Mais le musulman, il y a deux sortes. Il y a celui qui ne rentrera jamais en enfer, directement au paradis. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse deux. Et il y a le deuxième groupe, beaucoup, la plupart, les musulmans deuxième groupe, celui qui va d'abord aller en enfer, ensuite va aller au paradis. Allah l'afiya. Naam. C'est pour ça qu'il a dit ici. Il a dit, il sera un combustible de Jahannam, de l'enfer, même s'il fait la prière et il dit je suis musulman. Naam. À quoi ça te sert de faire la prière quand tu fais des choses de djihadia? À quoi ça sert de faire la prière quand tu insultes din? À quoi ça sert de faire la prière quand tu bois l'alcool et tu consommes la drogue? Et à quoi ça sert de faire la prière quand tu fais l'usure et tu fais la riba et tu fais les grands péchés? Faire la prière, l'Azul a dit que inna salata tanha an al-fahsha wal munkar. La salat t'éloigne des turpitudes et t'éloigne des péchés, des grands péchés. Maintenant, si ma salat ne m'a pas éloigné, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, c'est pas la salat que Allah Ta'ala a demandé de faire. Car la salat que Allah Ta'ala a demandé de faire, c'est une salat qui éloigne des grands péchés. Celle-là ne m'a pas éloigné. Je fais la prière et je consomme la drogue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis pas en train de faire la vraie prière. La vraie prière, elle m'éloigne. Celle-là, elle m'a pas éloigné. Donc je dois aller revoir ma salat. Je dois revoir ma salat. Ensuite il a dit فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. Il a dit faites la da'wa de l'islam. Ne faites pas la da'wa de la jahiliya, la da'wa de l'islam que Allah subhanahu wa ta'ala vous a appelé musulmans, vous a appelé croyants. Ya ibad Allah. Naam. Atawqafuna inshallah ta'ala. Il reste beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de hadiths que j'ai pas pu dire. Il est déjà minuit. L'Albanais, c'est pas Cheikh l'Albanais, c'est pas Cheikh l'Albanais le Alam. L'Albanais qui normalement rentre avec nous dans la salle, il est ici devant moi, il vous passe le salam. Il me dit, passe le salam aux frères et aux sœurs. On se rencontre, inshallah ta'ala, dans 10 minutes. Subhanak lahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilik. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fais saut. Fais saut, bidnillah. Tayyib. On commence, Allah ta'ala. Et avant cela, je demande. D'abord, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Je demande à la sœur qui m'a envoyé aujourd'hui une lettre qui parlait de la convertie, qui était convertie il y a seulement 2 mois. Et son problème avec le R qui était un peu difficile, etc. Est-ce que la sœur est là pour que je lui réponde, inshallah ta'ala? Si elle est là, elle envoie Bint Hashmi. Elle lui dit que je suis là, bi'illah azza wa jalla. Et j'attends, inshallah, votre première question. Salamu alaykum, ya Sheikh. Qu'Allah vous et nous donne la Jannah. Amin. A-t-on le droit de donner l'aumône au kuffar en sachant qu'il peut acheter de l'alcool ou des cigarettes ou autre, en sachant qu'on donne pour Allah, musulmans qui ne font pas la prière? Barakallahu fikum. Naam, maintenant, on parle, je ne sais pas si la personne parle de kuffar, yani l'asli, ou bien parle de kuffar, yani quand quelqu'un ne fait plus la prière ou bien ne l'a jamais faite. Comment faire pour la hijra alors qu'il est difficile de trouver un travail halal en France? Est-il permis de prendre une assurance spéciale pour se faire enterrer dans un pays musulman? C'est pour ça que Ilyes, ne posez pas beaucoup de questions à la fois. Ne posez pas beaucoup de questions, inshallah ta'ala, à la fois. Naam. Madhab al-Sunnah ou Jama'a, Madhab al-Sunnah ou Jama'a, que L'argent de la zakat, il y a 2 zakat. Il y a zakat de l'argent et il y a zakat al-fitr. Zakat al-fitr, c'est la zakat de Ramadan. Quand on termine Ramadan, il y a ce qu'on appelle zakat al-fitr. On doit faire sortir des dattes, des lentilles, de ces choses-là. Il est interdit de la donner à un kuffar, à un kafir. Maintenant, on va parler de l'autre zakat. Quand on a de l'argent, par exemple, là on a de l'or ou là. Naam. La deuxième zakat, il est aussi interdit de la donner à un kafir, sauf si on veut l'attirer vers l'islam ou bien on veut éloigner de lui un mal. Naam. Sinon, la zakat, elle est faite pour les musulmans. Mais le kafir, j'ai bien dit, on peut lui donner. On peut lui donner la zakat, la deuxième zakat, pas zakat al-fitr, la zakat de l'argent, on peut la donner à un kafir si on veut le faire rentrer dans l'islam ou bien on veut éloigner de lui un mal. Comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont-ils donné au grand kuffar et qui étaient encore des richards. C'était des richards et leur donnaient de l'argent dans le but de les attirer en islam. Maintenant, pour l'homme en général, on doit commencer par le musulman. On doit commencer par le musulman. Naam, on donne aux musulmans. On peut donner à quelqu'un pour l'attirer aussi. Même la zakat, on peut la donner. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, même la zakat de l'argent, on peut la donner à un musulman aussi. Cheikh l'Islam aussi a dit cela. Ibn Taymiyyah, il a dit, on peut la donner aussi à un musulman pour l'attirer ou bien pour aussi éloigner de lui un mal. Par exemple, il y a quelqu'un qui ne fait pas la prière, etc. Si on sait qu'on va lui donner pour l'attirer, pour qu'il commence à faire la prière, etc., on lui donne. Non, si. Ou bien, c'est un musulman, mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup de mal aux musulmans, etc. On peut lui donner la zakat pour qu'il arrête son mal. Bi-idhnillah azza wa jal. Voilà pour ce qui concerne le donner yani, au kuffar où on ne donne pas. Mais un kafir, quand on sent par exemple qu'il est vraiment dans le besoin et que par exemple il va mourir, ça, il est bien de lui donner. Non, on lui donne de l'argent pour qu'il mange, etc. Surtout si on sait qu'il est dans un état yani, lamentable. Mais en règle générale, on commence toujours par qui ? Par le musulman. On commence toujours par le musulman. Non. Comment faire pour la hijra alors qu'il est difficile de trouver un travail halal en France ? Est-il permis de prendre une assurance spéciale pour se faire enterrer dans un pays musulman en sachant que moi et ma famille, nous sommes de nationalité française ? Non. Je vais répondre, inshallah ta'ala. La première question n'est pas claire parce qu'il dit comment faire pour hijra alors qu'il est difficile de trouver un travail halal en France. Je ne sais pas, je n'ai pas compris la question. Yani, si on ne trouve pas un travail halal en France, donc c'est pire, yani, c'est qu'il faut faire la hijra. Non, si on ne trouve pas un travail halal en France. Donc c'est une raison en plus pour faire la hijra. J'ai pas bien compris la question donc. Ensuite, est-il permis de prendre une assurance spéciale pour se faire enterrer dans un pays musulman en sachant que moi et ma famille sommes de nationalité française ? Non, cette question on me l'a posée aujourd'hui. Et j'ai dit que pour répondre, je devais bien savoir le mécanisme, comment ça se passe. Annie, comment ça se passe ? Combien qu'on donne d'argent ? Est-ce qu'on devait donner toute sa vie ? Est-ce que si on donne cet argent, ensuite cette personne ne meurt pas dans ce pays ? Elle va dans un autre pays, par exemple, vivre, elle fait la hijra. Est-ce qu'on lui rembourse son argent ou on ne rembourse pas ? Car la cotisation. Quand est-ce qu'elle devient haram? C'est quand on donne de l'argent et on ne sait pas quand est-ce qu'on va, combien qu'on va en avoir en contrepartie. Naam. Si moi je cotise dans un endroit, voilà, je vous donne la règle. Si je cotise dans un endroit, par exemple, je donne chaque mois, par exemple, 10 euros. Et un jour, je sais que ça fait, j'ai donné 1000 euros jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, On me rembourse soit pour l'enterrement, etc. Soit on me rembourse jusqu'à yani, mes 1000 euros que j'ai donnés, ça devient halal. Mais si je donne, ensuite je ne sais pas quand est-ce qu'on me rembourse, combien qu'on va me rembourser, peut-être plus, peut-être moins, et peut-être pas du tout. Si je quitte le pays, mon argent est parti. Dans ce cas, ça devient haram. Non, c'est comme à peu près l'assurance. C'est comme l'assurance en général. Pourquoi c'est interdit l'assurance? Parce que tu donnes de l'argent et tu ne sais pas combien on va t'en donner. Tu ne sais pas combien on va t'en rendre. Non, ça devient, c'est comme le qimar. Ça devient comme le qimar. Mais cette question, je voudrais, inshallah ta'ala, la poser à des ulama. Je voudrais, inshallah ta'ala, la poser à des ulama pour vous rendre une réponse plus sûre, Inch'Allah Ta'ala. Donnez-moi un peu de temps, je vous donnerai, Inch'Allah Ta'ala, la réponse la plus sûre, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce que la sœur est là, la sœur qui m'a envoyé aujourd'hui le courrier, pour me parler de la sœur qui s'est convertie il y a 2 ou 3 mois, la sœur qui a voulu se suicider une fois, est-ce qu'elle est là, cette sœur, qu'elle écrive à un de ceux qui n'ont pas le point rouge, Bi'idhnillah Ta'ala. Prochaine question, tafadhal. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous pouvez répéter le nombre des hasanat pour le dhikr? Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ilaha illallah. Naam. Une seconde, je vais lire l'akhor. Je cherche le hadith bi'illah subhanahu wa ta'ala. Le hadith a dit. Naam. Je répète. Celui qui dit subhanallah. Celui qui dit subhanallah. Il aura 20 hasanat. 20. Et on lui enlève 20 péchés. La même chose pour celui qui dit Allahu Akbar. Et la même chose pour celui qui dit La ilaha illallah. Toujours 20. Sauf celui qui dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Celui-là, on lui donne 30 hasanat et on lui enlève 30 péchés. Et on lui enlève 30 péchés, bi'idnillah. Donc tous ces 20, sauf Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ça comporte 30, bi'idnillah Azza wa Jalla. فضل إن شاء الله prochain سؤال دقيقة إن شاء الله je suis en train de chercher la sœur dans la liste si je la trouve je cherche la sœur dans la liste puis je ne sais pas si je la trouve une seconde إن شاء الله نعم je crois qu'elle n'est pas là avec nous طيب si elle est là c'est elle qui doit inchallah donner c'est une... je peux pas chercher dans la liste comme ça un frère vous demande cheikh salam alaykoum hayakallah alaykoum salam hayakallah jazakallah khayran j'ai lu dans plusieurs hadiths qu'il y avait de bonnes coutumes que les sahaba ont pratiquées pouvez-vous m'expliquer ce terme barakallahu fik et un autre qui vous demande dans un dars de l'imam de la mosquée que je fréquente a dit qu'aujourd'hui il n'était pas permis d'avoir un esclave est-ce que cela est exact pour la première question, j'ai lu dans plusieurs hadiths qu'il y avait de bonnes coutumes que les sahaba ont pratiquées. Pouvez-vous m'expliquer ce terme barakallahu fik? Toute coutume, une règle générale, toute coutume et toute habitude que les sahaba faisaient et qui était bien, l'islam l'a gardé. L'islam n'est pas contre les bonnes coutumes. Naam. Les sahaba, par exemple les arabes, c'était des gens par exemple qui aimaient beaucoup les invités. L'islam n'a pas dit qu'il ne faut pas aimer les invités. Il a laissé cette coutume. Il a dit c'est bien les invités. Allah aime celui qui reçoit les invités. Naam. Par exemple, les arabes, c'était connu chez eux. Les arabes, yani les femmes libres qui n'étaient pas des esclaves, des arabes, c'était connu d'eux qu'elles ne faisaient jamais la zina. Jamais. Allah subhanahu wa ta'ala a laissé cette chose telle qu'elle. Ça veut dire que la zina n'est pas bien. Naam. Comme les femmes arabes n'aiment pas la zina. Naam. C'est une bonne habitude celle-là. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Hind, la femme de Abu Sufyan, a décidé d'entrer en islam, elle est allée faire le pacte d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait dans le pacte, qu'est-ce qu'il y avait entre autres? Que il ne fallait pas faire le shirk, il ne fallait pas tuer nos enfants, il ne fallait pas faire le vol, ne pas voler, et ne pas faire la zina. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il ne faut pas faire la zina, qu'a dit Hind, qu'est-ce qu'elle a dit radiallahu ta'ala? Elle a dit awa tazni al-hurra ya rasulullah. C'est étonné, elle a dit à Rasulullah, pourquoi la femme, yani libre, qui n'est pas esclave, elle fait la zina, yani, elle voulait dire, je n'ai jamais entendu ça, je n'ai jamais entendu qu'une femme libre puisse faire la zina, j'ai jamais vu ça. On connaît, elle voulait dire, la zina existe chez les esclaves, pas chez yani, les libres. Donc chez les arabes, il n'y avait pas la zina. Non. Ça c'est pour les bonnes habitudes. En ce qui concerne la deuxième partie de la question, l'imam de la mosquée que je fréquente a dit qu'il n'était pas permis d'avoir un esclave de nos jours. Est-ce que cela est exact? Cet imam, yani, je voudrais dire qu'il est vraiment loin de la sunna. Ensuite, j'ai peur de le léser. J'ai peur de le léser, car nous tous, on connaît des choses et on ignore des choses. Donc, je vais être, inshallah ta'ala, je vais pas être brut avec lui, je vais dire que il s'est trompé seulement dans cette chose. Non, dans cette chose, il s'est trompé. À chaque fois qu'il y a la guerre sainte, tous les gens, des kuffars, qui ne meurent pas et qu'on attrape, ils sont rentrés dans les esclaves. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin a dit, il a dit, même dans les pays datés, il a même cité l'exemple de la Russie. Il a dit, par exemple, si on fait la guerre avec la Russie c'est un pays daté. Toutes les personnes qu'on attrape deviennent des esclaves. Même la femme qui est athée, le musulman, quand il la prend de la guerre et le gouverneur la lui donne, elle devient mukhiyamine, il peut se marier avec elle, pas un mariage normal, un mariage d'esclave, de mukhiyamine. Parce qu'il est interdit à un musulman de se marier avec une esclave, sauf dans la darura, sauf dans l'obligation. Il n'est pas permis à un musulman de se marier avec une esclave. Pourquoi ? Parce que si tu te maries avec une esclave, l'enfant que vous aurez sera quoi ? Sera un esclave. Donc, pour que ton enfant ne soit pas un esclave, car l'enfant suit la mère dans l'esclavage et la liberté, il faut que tu ne fasses pas un mariage, mais tu fais ce qu'on appelle un pacte de mukhliyamin. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais mukhliyamin. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on ne cite jamais Maria. Maria, on ne dit jamais que c'est sa femme. Mais on dit que c'est la mère de son fils Ibrahim. Pourquoi ? Parce qu'il a eu Ibrahim avec elle, pas en tant que mari, mais en tant que mukhliyamin. Parce que le prophète, alayhi wa sallam, si c'était marié avec Maria, son fils Ibrahim aurait été un esclave. Il est impossible que le fils d'un prophète soit un esclave. Alors, il a fait avec elle ce qu'on appelle le pacte de mukhliyamin. Donc notre imam Hada est vraiment loin dans cette affaire. Il a dit quelque chose de faux, il faut lui corriger bin Azzawajal et dites-lui de lire Al-Mumti'a, Sharh Al-Mumti'a de Cheikh Ibn Uthaymin, Sharh Al-Mumti'a, le 7e, 8e ou bien 9e tome où il parle de la guerre sainte, etc. Comment ça se passe avec le kuffar. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadla inshallah prochain soual. Faites un peu vite et inshallah il reste une demi-heure. Je suis une fille de 7 ans et demi et ma maman m'empêche de jeûner le jeudi et le lundi. Est-ce qu'elle a le droit ? Est-ce qu'il y a une preuve ? En principe, quand quelqu'un, vous savez que quand quelqu'un n'est pas pubère, yani, ce n'est pas obligé pour lui de jeûner. Non, en principe, quand quelqu'un n'est pas pubère, il n'est pas obligé pour lui de jeûner. Mais s'il veut jeûner, il aura des récompenses. Lui et sa mère, si c'est elle qui l'a poussé, ou là son père, si c'est son père qui l'a poussé. C'est pour ça que ce que fait cette mère qui empêche la fille de jeûner est en fait contre, je ne vais pas dire contre l'islam, astaghfirullah. Mais c'est contre la sunna. Naam. Car la sunna, c'est d'apprendre aux enfants de jeûner tôt. Comme c'est dans le hadith sahih, le hadith de Bukhari. Qu'ont dit les femmes? Qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit, on prenait nos enfants avec nous, yani, en leur demandant de jeûner. Ils les prenaient à la mosquée et ils leur faisaient des boules avec de la laine. Et elles ont dit, on leur donnait à jouer avec le ballon en laine dans la mosquée, juste pour qu'ils oublient le jeûne, tellement c'est difficile pour eux. Naam. Donc la sunna, c'est d'apprendre quelqu'un à jeûner, de lui apprendre, ce n'est pas de lui interdire. Quand on interdit à quelqu'un, ensuite quand il sera pubère, il sera assez âgé, ça va être difficile pour lui. Il va dire non, moi je peux pas, c'est difficile. Mais quand il apprend à partir de 7 ans, 8 ans, de temps en temps, c'est pas obligé, de temps en temps, elle fait un jour par mois, un jour tous les 3 mois, elle fait un jour. Masha'Allah, c'est pour l'attirer, et c'est pour lui apprendre, et c'est pour l'habituer. Maintenant, si la fille jeûne yani, tous les jours, ça ce n'est pas bien, parce que elle est encore, yani, elle n'est pas en âge, et elle risque de se faire mal. Mais si elle le fait de temps en temps, au contraire, elle a des récompenses, et sa mère ou son père qui lui ont ordonné, ou qui lui ont dit de faire, ils ont, Inch'Allah, avec elle, les récompenses. La sœur me dit qu'elle jeûne déjà Arafat et le Ramadan. Masha'Allah, Masha'Allah. Non, elle jeûne Arafat, Masha'Allah, c'est un jour, Masha'Allah. Elle peut jeûner Ashura, elle peut jeûner non, le Ramadan. Masha'Allah, Aliha, non. Donc la réponse, c'est ce que je viens de dire. Bi'idnillah Azza wa Jal. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Hayyakumullah. Prochain soual, tfadl, Inch'Allah. Khair, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Est-ce qu'on peut mentir à sa femme pour éviter une fitna entre nous? Si c'est oui, est-ce qu'on peut jurer sur Allah si elle nous le demande? On peut mentir à sa femme pour éviter une fitna, surtout si cette fitna va engendrer le divorce et la séparation. On peut mentir à sa femme pour rester unis et pour que le shaitan ne rentre pas et ne nous sépare pas. Mais on ne peut pas jurer par Allah. Naam. Si elle nous demande de jurer par Allah, on ne peut pas le faire. Naam. On peut mentir, mais on ne peut jamais jurer par Allah. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Fadla, inshallah, prochain soual. Mais ce qui n'est pas bien de mentir à sa femme, certains croient que mentir à sa femme, ça veut dire par exemple, hein, lui dire par exemple, je t'achèterai ceci, je t'achèterai cela, je t'achèterai de l'or, je vais t'acheter une maison, je vais t'acheter une voiture, tout ça, et il est en train de mentir. Ça c'est haram. Ça c'est haram. C'est pas ça le mensonge qui est permis. Le mensonge qui est permis, c'est quand tu as peur de la fitna, tu es vraiment, là, il n'y a pas de solution, mais ce n'est pas dire aux gens ou la dire à la femme, je vais t'acheter ceci, cela, ensuite ce n'est pas vrai. Ça c'est pas le mensonge qui est permis. Non. طيب نشوف فيه بعد هو يروح ويطفى الاخر نحن لا ننتبه هنا ما فيش انترنت طيب je disais une sœur demande salam alaykoum qu'est-ce que vous appelez gouverneur pouvez-vous préciser barakallahu fikoum non le gouverneur on m'écrit que je crois qu'il n'y a pas de son non. Le gouverneur, je disais que le gouverneur, c'est en arabe, ça s'appelle le hakim. Le gouverneur, c'est, disons, le président de la République. Ça peut être un roi, comme par exemple dans les pays, par exemple comme au Maroc, il y a un roi. Sinon, c'est un président de la République. Sinon, c'est un émir. Ça dépend des pays. Celui-là, quand il est musulman, il fait la salat. Il est musulman. Il n'interdit pas la salat aux gens. Il dit pas, je suis contre le Coran. Il dit pas, je suis kafir. Il fait pas le kufr. Tant qu'il est musulman, on doit lui obéir. On doit lui obéir, sauf dans les choses qui sont contre le Coran et contre la sunna. Toute autre chose, qui n'est pas contre le Coran, pas contre la Sunna, tu dois lui obéir si tu veux être min al-Sunna al-Jama'a et si tu veux sauver ta peau demain quand tu rencontreras Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Je suis artisan dans le bâtiment et je suis amené à avoir des clients qui me payent mes travaux avec l'argent de crédit bancaire, avec du riba. Ce sont des kuffars. Est-ce halal de prendre cet argent car la plupart nous demandent même des devis, estimation du prix des travaux à montrer à leur banque? Naam, c'est Inch'Allah ta'ala halal. C'est à savoir qu'ils construisent en Europe tous leurs maisons avec le riba, etc. Naam, quand tu travailles avec un kuffar, un kafir, et il te paye de son argent de haram, c'est pour toi c'est halal. Naam, pourquoi? Parce que pour lui le kafir, pour lui c'est pas haram. Pour le kafir, lui dans son cœur, c'est pas haram, c'est halal. Et toi, il te donne cet argent en contrepartie. Comme Allah Azza wa Jal, quand il a parlé des Yahoud, qu'est-ce qu'il a dit? Akkaluna les suht. Il a dit que les Juifs mangeaient quoi? La rishwa. Et les kuffars qui vivaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Jahl et les autres. Ce sont des kuffars. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas des pactes avec eux, il n'achetait pas d'eux, il achetait d'eux. Il achetait des moutons des kuffars, il achetait des moutons des mouchriquins. Il achetait. Pourquoi? Parce que leur argent, par rapport à eux, c'est halal. Naam, par rapport à eux, c'est halal. Ce n'est pas comme le musulman. Naam. Quand un musulman, tu sais par exemple que son argent vient d'un bar, tu ne prends pas son argent. Ou là tu vois que cet argent a été volé. Cet argent aussi, on n'a pas le droit de le prendre. Et quand c'est un kafir, je travaille avec lui, yani normalement. Bi'inillah azza wa jal. Naam. Atfadal inshallah, la prochaine question c'est quoi? Je disais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala dit des juifs qu'ils mangeaient, qu'ils prenaient l'usure, etc., la rachwa. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été invité chez une femme juive et il a mangé chez elle, Zainab bint Haritha. Et c'est elle qui l'a empoisonné. عليها من الله ما تستحق. طيب prochain سؤال ان شاء الله. Une sœur m'avait demandé aujourd'hui que une question sur une sœur qui s'est convertie, ça fait seulement 2 ou 3 mois. Et cette sœur de temps en temps voulait se suicider. Est-ce que la sœur qui m'a posé cette question est là? Si elle est là, elle écrit à quelqu'un qui n'a pas le point rouge pour lui dire que je suis là. Un frère vous demande, pouvez-vous me résumer un résumé sur les sunan avant Sobh, avant Dhuhr, après Dhuhr et sur le nombre? Et il vaut mieux les faire entre l'Adhan et l'Iqama ou avant l'Adhan? Barakallahu fikum. Tayyib, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala sayyidil mursalin. Avant le Sobh, il y a deux. Ça s'appelle sunnat al-Fajr. Sunnat al-Fajr. On les fait avec... en lisant قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ et en lisant قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Ça c'est avant la prière du Subh. Ensuite avant le Dhuhr, dans un hadith sahih, il est dit il y a deux rak'at. Et dans un autre hadith sahih, il est dit il y a quatre rak'at. Donc toi, tu es libre, tu veux prendre les deux, tu veux prendre les quatre. Là tu veux de temps en temps tu fais deux avant, de temps en temps tu fais quatre avant. Ça c'est avant le Dhuhr. Après le Dhuhr, il y a deux rak'at et il y a aussi un autre hadith où il y a dit quatre rak'at. Mais le plus connu, c'est qu'il y a deux rak'at avant le dhuhr. Naam. Ensuite, après le maghrib, il y a deux rak'at. Après le maghrib, il y a deux rak'at. Et après le isha, il y a aussi deux rak'at. Certains ulama ont ajouté quatre rak'at avant la prière du asr. Avant la prière du asr. Moi, je suis pas très convaincu par ce madhab, et je préfère de dire que les quatre rak'at qui sont avant le asr, on les fait de temps en temps. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rahimallahu mra'an salla arba'an qabla al-asr. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de faire la rahma, et la miséricorde sur toute personne qui peut faire quatre rak'at avant le asr. Ça veut dire que de temps en temps, si tu fais 4 rak'at avant le asr, c'est masha'Allah. Mais le bezmoul, hafidahullah, a dit que les 4 rak'at avant le asr, c'est de la sunna. Yani on les fait tout le temps. Et moi, j'ai dit, je ne suis pas convaincu, lakin Allahu alam. Donc, 4 rak'at avant le asr, au moins, yani on les fait au moins de temps en temps. Avant le asr, tu fais 4 rak'at. Maintenant, quand est-ce qu'on fait ces sunan? De préférence, on les fait après l'adhan. Et avant l'Iqama. De préférence, on les fait avant l'Adhan et après. Après l'Adhan et avant l'Iqama. Naam. Après l'Adhan et avant l'Iqama. Pourquoi? Parce que ce sont des salats qui suivent la prière. Donc tu fais par exemple 4 avant le Dhuhr, ensuite tu rentres dans le Dhuhr. Naam. Mais les autres prières qui viennent après, bien sûr, ça ne rentre pas dans la question, car elles sont après la salat. Mais celles qui sont avant la salat, elles sont entre l'adhan et l'iqama. Inch'Allah ta'ala. Fadla, inch'Allah, prochaine question. La question est longue. Je la coupe et je la mets et je mets un quand c'est fini. Khair, inch'Allah, tafadla li. Tayyib, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, shalom ala ashraf al-mursalin. La question, non. Salam alaikum. Est-ce que si une personne fait du khair pour Allah et qu'elle ressent de la satisfaction parce que la personne est contente, est-ce que ça veut dire que notre intention est mauvaise? Est-ce que ça veut dire que notre intention est mauvaise? Peut-on appeler ça de l'ostentation? Qu'arrivera-t-il au bébé de parents non musulmans qui meurt? Entrera-t-il au paradis? J'ai lu un article qui disait qu'ils n'entreront pas au paradis avant qu'Allah leur ait fait passer un test. S'ils le réussissent, alors ils y rentreront et seront les serviteurs du paradis. Est-ce que ceci est vrai? Barakallahu fikum. Naam. Je vais commencer, inshallah ta'ala, par la troisième question. Les enfants des mouchriquins, des kuffars, inshallah ta'ala, le plus juste, c'est de dire qu'ils entreront au paradis sans le test. Ils entreront avec le test. Beaucoup ont dit cela, comme exemple, par exemple aussi Ibn Qayyim, Allah yarhamou. Je crois que même Cheikh Ibn Uthaymeen a dit cela. Naam, ils rentreront avec le test. Mais le plus sûr, inshallah ta'ala, c'est de dire que ils rentreront directement au paradis, inshallah. Là, il y aurait un hadith dans le Bukhari qui atteste cela. Et il y a un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Auladul mushrikin khadamu ahl al-jannah ». Il a dit « Les enfants des mushrikin seront les serviteurs du paradis, comme tu viens de dire ici, naam, les serviteurs du paradis. Donc ça c'est, inshallah ta'ala, le plus juste, naam. Taïb. D'ailleurs, par raisonnement, qu'a fait le pauvre, le fils du mouchrik? Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? C'est quoi son péché? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala châtie-t-il, le verbe châtier, châtie-t-il quelqu'un qui n'est pas pubère, qui n'a rien fait? Un enfant, est-ce que l'azul le châtie? L'azul commence à compter les péchés quand on devient pubère. Lui, il est mort jeune, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour ça que le hadith qu'a authentifié l'Albani, qui dit qu'ils seront les serviteurs du paradis, c'est ça, inshallah ta'ala, bi'idna ta'ala, la vie le plus juste, bi'idna azzawajal. Naam, hada, c'est pour la première question, inshallah ta'ala. Maintenant, la deuxième question, c'est dit, naam, les parents non musulmans qui m'ont parlé, il y avait deux questions, c'est tout. La première question, c'est quand on fait quelque chose de bien pour Allah Azza wa Jal et qu'on ressent de la satisfaction. Naam. Est-ce que cette chose, ça veut dire que, yani, que ce n'est pas accepté, que c'est quelque chose de mauvais et que ça rentre dans l'ostentation? La réponse, inshallah ta'ala, c'est que quand on fait quelque chose de bien et qu'on ressent quelque chose dans le cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, peut-être au contraire, naam, ça veut dire que c'est quelque chose, masha'Allah. Naam. Pourquoi? Alaykoum salam, rahmatullah, Abu Abdurrahman. Alaykoum salam, rahmatullah. كيف الحال أين أنت؟ لا أراك حتى نحي لك الأحمر هذا. أين أنت؟ بشرح شافك موكيل كان يسابل أبو عبد الرحمن جل وطا. أبو عبد الرحمن إمام الكويت. Je le vois pas, ni dans la liste. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Vous pouvez m'aider, dites-le moi. نعم. En bas, allez très bien, chauffe en bas, oui, en bas. Non, en bas. Non, je le vois pas en bas. Non. Abu Abdurrahman. Non. Abu Abdurrahman. Huitième en partant du bas, huitième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Justement, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là qui s'écrit comme ça, là. Abu Abdurrahman avec O. Abu, avec O. Naam, Abu, et il n'a pas le numéro 1 devant lui. Abu Abdurrahman. Naam. أبو عبد الرحمن لو رفعت يدك بارك الله فيك حتى أراك لو رفعت يدك بارك الله فيك حتى أراك je disais que pour نعم quand on fait quelque chose de bien on fait quelque chose de خير on l'a fait on l'a cause de الله سبحانه وتعالى si on sent quelque chose dans le cœur c'est ما شاء الله نعم c'est ما شاء الله comme a dit الله عز وجل والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم quand ils sont dans son cœur alhamdulillah c'est pour ça que des fois quand on fait quelque chose fi sabilillah yani on sent yani son cœur s'élargir mashallah n'am on sent mashallah yani que son cœur est élargi et mashallah des fois on a les larmes des fois quand on donne quelque chose ou fi sabilillah des fois tu sens la larme qui coule de tes yeux tout ça inshallah ta'ala c'est un délil inshallah que ça a été accepté bi'illah azza wa jal n'am C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te donne ce signe pour que tu sentes ton cœur, tu sentes masha'Allah dans ton cœur et tu sens yani, même les yeux, tu les sens larmoyer, masha'Allah. Donc c'est quelque chose de bien, inshallah ta'ala. C'est quelque chose de bien, n'am. Prochain sou'al, inshallah, tafaddal, prochain sou'al. N'am, où est-ce que c'est possible Vous pouvez expliquer pour celui qui fait des péchés qui prie, c'est quand même bien de prier, mais si on fait des péchés, c'est mieux que de faire des péchés et de ne pas prier. Non, c'est mieux de faire des prières, des péchés de ne pas prier. Pouvez-vous déplorer, Inch'Allah, de plus, il est entre. En contradiction avec le Coran. Naam, le hadith qui dit que quiconque fait la prière et en même temps il fait des péchés, que sa prière ne le fait qu'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith, beaucoup de ulama ont dit il est vrai, mais Sheikh al-Albani a dit c'est un hadith faible dans Silsilat Da'ifa. Il a dit ce hadith, il est faible. Ensuite, il est en contradiction avec le Coran aussi. Naam, quelqu'un qui fait la prière et qui fait les péchés, c'est mieux que quelqu'un qui fait les péchés sans faire la prière. Naam. Mais la vraie prière, c'est la prière qui fait que tu fais la prière sans faire de péché. Quand je dis sans faire de péché, il n'y a pas quelqu'un qui ne fait pas les péchés, car le prophète alayhi sallam a dit « Kullu bani adam khatta wa khayru khatta'in tawabin » Mais la prière t'aide beaucoup. La prière quand elle est ancrée dans le cœur. La prière, quand on la fait, avec concentration, avec les sunan du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla te donnera comme récompense qu'elle va t'aider à t'éloigner des péchés et des choses que Allah Azza wa Jalla n'aime pas. C'est une récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour quiconque, c'est la prière comme Allah Azza wa Jalla aime. Naam. C'est pour ça que, yani quelqu'un qui fait la prière, qui fait des péchés, celui-là, il rentre dans le verset « فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ » Naam. Celui qui fait un atome de bien, il le verra. Celui qui fait un atome de mal, il le verra. C'est pour ça qu'on ne doit pas dire on ne doit pas dire à quelqu'un qui fait la prière, on ne doit pas lui dire « Écoute, puisque par exemple tu fais la prière et tu fais des péchés, arrête la prière. » Non, on lui dit pas ça, c'est faux. Mais qu'est-ce qu'on lui dit? Mais alors arrête les péchés. Voilà ce qu'on lui dit. Arrête les péchés et non pas arrête la prière. Mieux. Naam. C'est comme à peu près une femme qui fait la prière et qui n'a pas encore mis le djilbab. Quand elle est à la maison, elle se voit, elle fait la prière. C'est mieux que celle qui dit, puisque j'ai pas encore le djilbab, je fais pas la prière. Là, on lui dit, tu te trompes. Fais d'abord la prière et Inch'Allah tu mettras le djilbab. Ça fait la prière. Naam. C'est pas elle dit le contraire. Elle dit puisqu'il n'y a pas le. J'ai pas la prière, je fais pas la djilbab. Je mets pas le djilbab. Naam, ça c'est faux. Naam. Inch'Allah ta'ala c'est comme ça. Ce qu'il a dit, Rawa al-Bukhari fil ru'ya min hadith Samura wa fih wa awlad mushrikin. Qala wa awlad mushrikin fil jannah. Jazakallah khair, c'est moi. Naam, c'est ça le hadith dont je parlais tout à l'heure du Bukhari. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait, je crois qu'il parlait d'Ibrahim alayhi salam et que les enfants yani des musulmans, il va leur apprendre le Coran. Vous savez que chaque enfant de musulman qui meurt, Allah Azzawajal va le donner à Ibrahim jusqu'à ce qu'il lui a, pour qu'il lui apprenne le Coran. Ensuite, quand il meurt, il va rentrer au paradis. Ensuite, là, les sahabas ont demandé au prophète, alayhi salam, ils lui ont dit, et les enfants des mouchriquins, il leur a dit, Naam, il leur a dit la même chose, ça veut dire, eux aussi, ils seront au paradis. Il a dit, ça veut dire, eux aussi, Naam, eux aussi, ils iront au paradis. Ça, c'est un hadith qui se trouve dans le Bukhari, et il se trouve, il y a un hadith aussi dans Sahih al-Jama' qui est très clair et qui dit, Auladul mouchriquina khadamu ahlil jannah. Auladul mouchriquina khadamu ahlil jannah. Les enfants des mouchriquins, des serviteurs, des gens du paradis. Tfadl inshallah, il reste 10 minutes. Tfadl inshallah. Oumou Hamza, prépare-toi inshallah. Oumou Hamza, prépare-toi inshallah. J'enlève le rouge à Oumou Hamza. Tayyib. Cheikh, vous avez dit que le prophète A.S.A.M. nous avait donné 5 choses et dire que tu dois appliquer et que tu dois dire aux les gens de Al-Kitab qui étaient en son époque, les juifs, aux juifs qui étaient en son époque. Donc ces choses, yani, ce n'est pas nous qui devons les dire aux gens de Al-Kitab aujourd'hui. Ce n'est pas nous. Ça, c'était au temps de Yahya al-Salam. Mais bien sûr, tout ce qu'il y a, Dans le hadith que je viens de lire, il y a beaucoup de choses qui s'appliquent aux gens des livres aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui s'appliquent aux gens de livres d'aujourd'hui. On leur dit là, Naam. Oum Hamza a dit, dis-nous si la viande saignante est halal ou haram, barakallahu fikum. Premièrement, pour que je réponde, il faut que je comprenne que ça veut dire la viande saignante. Je n'ai pas compris que ça veut dire la viande saignante. Non. Est-ce que ça veut dire quand on achète de la viande, pardon, de la viande, quand on achète de la viande et qu'elle contient du sang qui coule, est-ce que c'est cela? Non, pas bien cuite. Ah, non. J'ai compris. La viande saignante est quoi? Est halal bi'idhnillah azza wa jal. La viande saignante est halal bi'idhnillah azza wa jal. Non. Même des fois, on fait exprès de ne pas la bien cuire pour qu'elle contienne bien beaucoup de vitamines. Car quand on la cuit beaucoup, au point elle devient yani, khlas, elle devient noire, elle perd presque toutes ses vitamines. C'est pour ça que quand quelqu'un est faible, etc., on la laisse un peu yani, mal cuite, spécialement pourquoi? Pour qu'elle contienne ses vitamines, inshallah ta'ala. Naam. Wallah ta'ala a'lam. Prochain soual, inshallah. Tahawiya, prépare-toi. Prochain soual, inshallah ta'ala. Comment ne pas dormir seul, ce n'est pas bien. Comment une femme peut-elle peut être une vraie shahida? Sur le fait de jurer par Allah, pouvons-nous, lorsqu'on nous confie quelque chose à nos parents, les faire jurer par Allah pour qu'ils ne parlent pas, vu le statut qu'ils ont à notre égard? Qu'Allah te protège et te récompense. Amin ya Rabbi al-Alamin. Naam. Comment ne pas dormir seul, ce n'est pas bien. Comment une femme peut-elle... Naam. Ne pas dormir seul, ce n'est pas bien. Ne pas voyager seul, aussi ce n'est pas bien. Yani, quand on peut. Non, maintenant si on peut pas, ou bien on est dans un endroit où on est seul et on doit dormir seul, on dort seul. Mais de préférence, quand on peut être à deux par exemple, c'est mieux que de dormir seul. Pourquoi? Quand on est seul, c'est toujours le shaitan, comme j'ai dit, qui est toujours avec quelqu'un qui est seul. Et puis quand on dort seul par exemple, il se peut que la nuit... On risque de mourir si, par exemple, il nous arrive quelque chose. Mais si on est deux, yani on peut s'aider. Surtout dans le voyage. Imaginez quelqu'un voyage seul. Maintenant, on peut, yani, y a des gens qui peuvent le voler, il y a des gens qui peuvent le tuer. Mais si on est deux, trois, mashallah, yani on peut s'unir contre ces bandits-là. Donc, plus on est seul, plus c'est difficile. Mais ça ne veut pas dire que c'est haram. Ça ne veut pas dire que c'est haram. Ça veut dire que c'est déconseillé, c'est tout. C'est déconseillé de voyager seul, c'est déconseillé de dormir seul. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment une femme peut être une vraie shahida? Naam, une femme, si elle meurt en accouchant, c'est une shahida. Naam, si une femme meurt même un homme, avec des maux de l'estomac, il est shahid, elle est shahid. Si un homme ou une femme meurt brûlée, la maison par exemple se brûle ou là, et elle meurt, elle est shahida, il est shahid. Si un homme ou une femme meurt noyé dans la mer, il est shahid, elle est shahid. Et comme ça. À condition toujours que quoi? Que ça soit des gens qui faisaient la prière, etc. Ce n'est pas des alcooliques, etc. Quelqu'un qui est alcoolique, il va aller à la plage, ensuite il ne sait pas ce qu'il fait, il est alcoolique, il est sous, il ne sait pas ce qu'il fait, il va se jeter d'un rocher, d'un grand rocher, il va monter haut, il va se jeter, et il va frapper sa tête contre un rocher, il va mourir. On dit, alhamdoulilah, il est mort noyé, celui-là, il est shahid. Celui-là, il n'est pas shahid. Non, il faut qu'il soit quelqu'un qui faisait la prière, ça. Ensuite, il est mort par maux dans le ventre, ou le cancer dans le ventre, par exemple. Ou là, il est mort noyé, il est mort brûlé, il est mort taht al-hadm. Une maison se démolit et il meurt. Il est shahid. Comme celui qui meurt sous le tremblement de terre. Si c'est quelqu'un qui était pieux, bi'idhnillah, c'est un shahid. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand Aïcha lui a dit, yani, on voudrait faire le djihad pour avoir les récompenses comme les hommes, il lui a dit, Laysa alaykunna djihad, vous n'avez pas de djihad, walakin hajjun, hajjun mabrur. Naam, il a dit, vous n'avez pas, vous les femmes, le djihad. Vous avez quoi? Vous avez le hajj. Quand vous partez au hajj mabrur, c'est votre djihad. Quand vous partez au hajj, inshallah, vous avez fait le djihad, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur le fait de jurer par Allah, pouvons-nous, lorsqu'on confie quelque chose à nos parents, les faire jurer par Allah, qu'ils ne mentent pas? Naam, je crois, inshallah, qu'on peut. Je ne connais pas quelque chose qui est interdit à faire jurer son père ou sa mère quand on sait qu'ils parlent comme ça très vite et ils disent très vite les secrets. Je ne connais pas quelque chose qui dit que c'est interdit de dire à son père de jurer ou à sa mère. Je ne connais pas une interdiction dans ce sens. Inshallah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. نعم إن شاء الله ابن كثير السلام عليكم ورحمة الله شيخ je vous ai parlé d'un converti qui est paralysé au dos et qui est dans une chaise roulante. Je lui avais dit de faire le rousse d'entrer en islam avec le taïmoum étant donné les difficultés qu'il a dans son dos. Je lui avais bien sûr expliqué que chaque fois qu'il urinait lorsqu'il allait aux toilettes qu'il devait toujours faire l'istinja. Se nettoyer le sexe avec de l'eau. Chose qu'il a fait avant de faire le rousse avec le taïmoum. Il n'a pas de difficulté pour cela, pour l'istinja. Mais je me suis aussi posé cette question, c'est que malgré qu'il avait lavé son sexe avant le rousse, je me suis dit que son caleçon devait certainement avoir des taches d'urine, étant donné qu'il était nouveau. Naam, c'est quoi la question, Inch'Allah? Qu'il était nouveau dans l'islam. Naam. Et que d'habitude les mécréants ne se nettoient jamais leur sexe après avoir uriné. Et comme ne pas avoir d'impureté sur soi est une condition de validité de l'ablution, je me suis posé la question, son rousse est-il valide, sachant qu'il avait encore sûrement des traces d'urine sur son caleçon, ou dois-je lui dire de le refaire? Il y a aussi le fait que lorsqu'il avait été faire les selles, il ne s'est peut-être pas nettoyé correctement. Donc, dois-je lui dire de refaire le rousse avec le taïmoum ou son rousse est-il valide? Et aussi, dans son cas, quand il doit faire le rousse, s'il a un rêve érotique ou autre, doit-il dire bismillah et faire directement avec la pierre ou doit-il se nettoyer les mains puis les parties intimes et faire seulement le taïmoum à ce moment-là? Comment doit-il faire? Barakallahu fikoum. Naam. Cette question est, mashallah, assez longue. Naam. Mashallah. طيب on va commencer par en haut. طيب الاستنجاء. طيب maintenant après avoir fait le rousse, son rousse, je voudrais te dire que son rousse n'a rien à voir avec l'urine qu'il a dans ses sous-vêtements, dans son caleçon ou là. S'il a de l'urine, ça n'a rien à voir. Il change de caleçon et il se lave ses parties intimes, il se lave son sexe, c'est tout. Et il change de caleçon, c'est tout. Mais le ghusl n'altère pas, n'a rien à voir avec cette chose. La même chose quand il fait les selles. Si c'est pas bien nettoyé, ça n'a rien à voir avec le ghusl. Naam, ça n'a rien à voir avec le ghusl. Il se nettoie une deuxième fois, bien, et il fait le tayammum, mais son ghusl est toujours valide. Naam, le ghusl qu'il a fait khlas, il ne peut pas être annulé. Le ghusl est annulé quand il fait la janaba. Quand il a une janaba, il doit refaire le ghusl, c'est tout. Naam. Et aussi, dans son cas, doit-il faire le ghusl s'il fait un rêve érotique. Voilà, s'il fait un rêve érotique, il doit faire le ghusl. Mais s'il ne peut pas faire le ghusl, il peut pas faire le ghusl, qu'est-ce qu'il dit? Il se lave les parties intimes, c'est pas... ensuite, il change les vêtements, il change le caleçon, où il y a peut-être le liquide, où il y a le liquide, il met de nouveaux vêtements, de vêtements propres, et quoi? Ensuite, il fait le tayammum. Naam. Dans le tayammum, il dit bismillah. Certains ont dit, on dit pas bismillah dans le tayammum. Le cheikh Ibn Uthaymeen a dit de prudence, on le dit. Dans le de prudence, on le dit. Naam. Ma femme, c'est moi, ma femme, c'est le hadith. Tayyib, qu'est-ce que j'allais dire? Naam. Et le, bien sûr, le liquide qu'on voit, le liquide qu'on voit dans le rêve érotique, qui s'appelle le sperme n'est pas, pour que vous sachiez, le sperme n'est pas de la souillure. C'est quelque chose de pur. C'est quelque chose de pur. C'est-à-dire, si quelqu'un, par exemple, il se lève, il trouve, qu'il a, par exemple, le liquide dans ses vêtements, sous-vêtements, et il n'a pas d'autre pour l'échanger. Hein? Ce n'est pas de la souillure. Il peut faire la prière avec, yani, en ayant le liquide dans ses sous-vêtements. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de la souillure. Mais en principe, c'est quelque chose, tustaqdar. C'est quelque chose, yani, que les gens n'aiment pas, qu'on n'aime pas. C'est comme la morve, c'est comme le sperme. Ces choses-là, il faut être plus propre quand on fait la prière. Car Allah Azzawajal a dit, il a dit, خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. Toi, quand tu veux faire la prière, tu veux être le plus beau, le plus bien habillé et le plus propre. C'est pour ça que, de préférence, on enlève les sous-vêtements, on les change. Mais ça ne veut pas dire que c'est de la souillure. Naam, tahawiyya, tahawiyya. J'attends ta dernière question, inshallah. Il est déjà 1h05. La hawla wa la quwwata illa billah. Le prochain cours, inshallah ta'ala, c'est mercredi pour le fiqh, inshallah ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Se marier avec une femme athée, autorisée, conditions, quelles conséquences? Naam. En islam, il est permis de se marier seulement avec une juive ou une chrétienne. Naam. Il n'est pas permis de se marier avec une femme qui ne croit pas en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit, il n'y a pas, je suis athée, je ne crois ni en Allah, ni en son prophète, ni en une religion, il n'y a ni enfer, ni rien, on meurt, on devient de la poussière. Il est interdit de se marier avec une femme pareille. Si on se marie avec elle, et qu'on est musulman, ça veut dire on est fornicateur, on est zané. Naam, si on se marie avec une femme pareille et on est musulman, ça veut dire qu'on est fornicateur. Naam, Simouh, femtek, naam. Naam, Simouh dit que quand on touche la najasa, notre wudu reste toujours. Naam, parce que beaucoup de gens croient que quand ils vont toucher la najasa, ils vont perdre le wudu. Comme certaines femmes. Elle a les ablutions, elle croit que si elle va enlever par exemple les couches de son fils, elle va perdre le wudu. Ou elle croit que si elle va toucher le sexe de son fils, quand elle le lave, qu'elle va perdre le wudu. Et tout ça bien sûr n'est pas vrai. Son wudu ne se perd que lorsque elle fait sortir quelque chose. Elle urine ou elle fait sortir des gaz. Ou là, ce n'est pas quand elle touche quelque chose. Ensuite, ainsi que le crédit à la consommation, voiture, habitat, etc. Ça, je n'ai pas compris la dernière question. Et je disais que, naam, le musulman n'a pas le droit de se marier avec une athée. Il se marie seulement avec une chrétienne ou avec une juive. Tandis que la musulmane n'a jamais le droit de se marier qu'avec un musulman. La musulmane n'a pas le droit de se marier avec un chrétien ou avec un juif. Naam. Elle ne se marie qu'avec un musulman. Non. Et la différence, je crois que vous la connaissez, inshallah ta'ala, je vous l'ai dit une fois, la différence, c'est que le chrétien, pardon, le musulman, quand il se marie avec la chrétienne, le musulman la respecte. Non. Est-ce que, je ne sais pas si vous m'avez entendu parler quand je parlais de la chrétienne et du musulman. Est-ce que vous m'avez, yes, vous m'avez entendu parler? Ah, le respect. Jazakallah khair. Non. J'ai pas compris la question. Est-ce on peut faire un crédit chez nos banquiers? Si quelqu'un te prête de l'argent, même s'il n'est pas musulman, c'est possible. Si quelqu'un te prête de l'argent, même s'il n'est pas musulman, c'est possible. Ensuite, tu le lui rends bi'idhnillah ta'ala, si ce n'est pas avec les intérêts. C'est possible, naam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a emprunté deux fois son bouclier de Umayyah ibn Khalaf, deux fois, fi Badr wa fi Hunayn, naam. Mais il y a des intérêts. Quand il y a les intérêts, on ne peut pas. Naam. Quand il y a les intérêts, on ne peut pas. Même si c'est la banque d'un musulman, on laisse d'un kafir. On ne peut pas prendre de l'argent avec des intérêts. Naam. Inch'Allah ta'ala, voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala, rendez-vous mercredi pour le dars du fiqh. Inch'Allah ta'ala, on va commencer la salat. D'ici à mercredi, astaoudi'oukoum Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi la tadhi'u ودائعة والشيخ الألباني يبو باس لو بونجور تو سي فو دي السلام عليكم بودي السلام عليكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أوسع على السموح ينتظروني هذا السموح